toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui, une semaine sur deux, vous parle de cinéma fantastique. Je suis Corentin et on est évidemment avec Roman. Roman, comment ça va ce soir ? Ben ça va très bien et toi ? Eh ben ça va tout tranquille, on se retrouve dans l'épisode, dans le deuxième épisode, pas... Dans ce deuxième épisode, en tranquillité, pour parler de quel thème est-ce qu'on va parler ? On avait déjà un peu teasé, enfin teasé de façon subtile la semaine dernière, mais du coup, quel est le thème du jour ? Eh ben, le thème du jour, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est le 27 octobre. Ce podcast sortira le 29 octobre. Qu'est-ce qu'il y a à cette période ? Il y a évidemment Pâques. Non. Halloween. On s'est fixé sur... on s'est dit pour le deuxième épisode, tout simplement, partir sur les films d'Halloween, mais en s'imposant une contrainte supplémentaire, c'est que c'est pas les films qu'on sort à Halloween. C'est ça. Parce que là, à ce moment-là, j'aurais sorti la moquitude. Non, c'est les films qui se passent à Halloween et... Je crois qu'ils se passent à Halloween aussi, la moquitude. Je suis pas sûr du tout, hein. Moi, je sais qu'il se passe dans un lycée, qu'il y a Jessica Alba qui est en soutif la moitié du temps, ce qui est très agréable, hein, mais je suis pas sûr qu'il se passe à Halloween. Mais, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai vu la liste, j'étais en mode, il y en a quand même vachement pas tant que ça, en fait. Genre, il y en a, mais beaucoup moins que ce que je me disais, tu vois. Il y en a plein à Noël, il y en a plein avant le 13, il y en a pas tant que ça à Halloween. C'est vrai, des films d'horreur qui se passent à Halloween. Après, on n'a pas choisi la facilité, on n'a pas pris le film de Carpenter, par exemple. On a pris Halloween 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'est creusé. Non, on est parti vraiment sur les films d'Halloween, et avant qu'on parle, j'ai envie de te demander, Roman, deux questions. Qu'est-ce que tu attends d'un film qui se passe à Halloween, et qu'est-ce que tu attends d'un film que tu veux voir à Halloween ? Pour commencer, un film qui se passe à Halloween, pour toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que t'en attends ? Qu'est-ce que t'as envie de voir ? Pour moi, un film qui se passe à Halloween, s'il veut vraiment jouer le jeu à fond, il doit se piocher un peu dans le lore d'Halloween, c'est-à-dire... Les citrouilles, le trick or treat, le truc comme ça, faut pas que... Typiquement, Silent Night, Bloody Night se passe à la période de Noël, mais c'est à peine évoqué. On en parlait dans le podcast d'avant. Il y a de la neige, voilà. Donc typiquement, Silent Night, Bloody Night, il passe pas dans les films de Noël pour moi. Par contre, y a cette logique-là après pour les films d'Halloween. C'est-à-dire que tu peux pas juste te dire « Hey, on est le 31 octobre, c'est ça, c'est le film !» Voilà. Non, il faut vraiment avoir une ambiance Halloween américain, hein, pas le Halloween français tout chipos. Le Halloween anglo-saxon plutôt, ouais. Ça, ah, avec le trick or treat, les costumes, etc. Oui, mais c'est même si Halloween est d'origine celtique à la base, c'est ouais. Quand même le coup du porte-à-porte, le coup des bombes, tout ça, c'est un truc qui nous vient des États-Unis. Mm-hmm. Et oui, c'est cette image un peu qu'on se fait d'Halloween, pour moi, on doit retrouver de ça dans les films d'Halloween. Et qu'est-ce que t'attends d'un film que toi, tu veux voir à Halloween ? Alors, ça dépend, j'ai plusieurs attentes pour un film que je vois à Halloween. Soit un film qui essaie vraiment de me faire flipper, ça, les trucs à la Sinister, Host, Dead Silence, c'est la nonne, Annabelle 3... L'exorcisme de Anna Grace, voilà. C'était pas bien, ça. C'était pas bien. C'était très pas bien. Lazarus Effect. Pas encore vu. Ah, c'était très mauvais, ça aussi. Mais bref, t'as vu que pour ces films de merde, on est très bon pour dire des films récents. Ouais, pour dire des grosses merdes, on est bon. Hein. Pour dire des grosses purges, on est bon. Ouais, mais généralement, c'est des films récents. Mais vois Lazarus Effect, genre, il y a un petit côté réac à la fin, c'est un plaisir. Enfin, bref, je te laisse terminer. Ah, pour un fan de Snyder, c'est surprenant que tu dises ça. Je suis merde. Non, mais du coup, soit ça, soit des films du coup qui cherchent à faire flipper, soit des films un peu avec une ambiance Halloween, mais une ambiance un peu Halloween d'enfant. Je pense peut-être à des films comme L'étrange pouvoir de Norman, ouais, qui est très bon. Casper, d'ailleurs, L'étrange pouvoir de Norman, il sort en steelbook aux États-Unis. Oh. L'édition est magnifique, et Coraline aussi sort par le même éditeur. Incroyable, Coraline. J'aime beaucoup. Mais bref, du coup, ouais, des films un peu à Casper, L'étrange pouvoir de Norman... L'étrange Noël de Mr. Jack. Il y a ce débat, est-ce que c'est pas plutôt un film de Noël ? Moi je le mets en film de Noël. Hein. Je le mets clairement pour les deux. je crée une faille temporelle entre Noël et Halloween, les deux déroulent le même jour. C'est parfait. Et moi. C'est un Halloween Noël, c'est. Ok, mais dans ce cas-là, tu t'offres les cadeaux de Krampus ? Les cadeaux, tu sais, les cadeaux du grenier là. Ouais, non, mais je vois très bien ce que c'est que Krampus. Okay. Et toi, du coup ? Bah pour moi, pour le coup, un film qui se passe à Halloween, je te rejoins totalement. C'est-à-dire vraiment les citrouilles et vraiment l'ambiance bon enfant. L'ambiance Halloween, un peu de spectacle, l'ambiance Halloween un peu mise en scène. Et finalement, je pense qu'avec tous nos films, je pense notamment à deux d'entre eux, on est vraiment dans cette ambiance-là. L'ambiance les citrouilles et bonbons. Ouais. Citrouille et bonbons, je pense que c'est une formule que j'ai souvent employée, c'est genre l'échelle citrouille et bonbons. Et après, un film que je vois à Halloween, là pour le coup, je suis un peu plus précis, c'est-à-dire moi, là, ce que je veux voir à Halloween, vraiment, c'est un film fun, c'est un film drôle, un film que t'invites tes potes, tu fais les gars, ce soir j'ai un truc pour vous, bam, ça part. Et pour l'anecdote, c'est pour ça qu'un film que je sors souvent à Halloween, c'est pas le film le plus connu, il est pas dans la sélection, mais je sais que t'en es pas fan, mais c'est Scream. Parce que des gens qui ne voient pas beaucoup de films d'horreur, genre tu les ramènes, tu leur dis, je vais te montrer un truc, tu vois, c'est cool. Ils vont se retrouver face à un film où bah, ils ont les codes inconsciemment, mais le film va jouer un peu avec eux, pas forcément de façon très subtile, mais ça joue comme ça, et donc jusqu'à ça a marché parce que tu vois toujours cette réaction de je suis sûr c'est lui le tueur. Ils sont vraiment en good mood et c'est trop drôle. Ça, et bref. C'est pour ça que moi je cherche vraiment le fun et je pense que ça se ressent dans la sélection que j'ai faite. Quand on prend une sélection comédie d'horreur, je prends La Famille Addams, le 2. Enfoiré. Alors, je prends Scary Movie et Deathgasm. Deathgasm, entier chef-d'œuvre, Deathgasm. J'en ai rien à foutre, c'est chef-d'œuvre. Super cool, Deathgasm. Et j'ai envie de te demander une question un peu plus anecdote, mais pour toi, le premier film que tu te rappelles avoir vu à Halloween, ce serait quoi? Alors que je me rappelle avoir vu le soir d'Halloween. Si tu veux, je peux démarrer, moi je vais asseoir mes couilles sur la table. Alors, déjà demande à la table d'abord. Bah pour moi, c'est Halloween. Halloween de Carpenter, je devais avoir 8 ou 9 ans à peu près. On l'avait vu avec des potes, et je me rappelle, on était tétanisés. Mais vraiment, on avait super peur. Quand je l'ai revu, il m'a jamais refait cet effet-là, mais c'est un film qui m'avait terrifié. Et en plus, on avait un pote de mes parents qui arrêtait pas d'entrer dans la pièce en se disant bah comme ça. Donc nous, on avait trop peur, mais bon, au bout de la troisième fois, c'était chiant. Mais voilà, et bon, c'est pour ça, premier film que je me rappelle avoir vu Halloween, bah c'est Halloween. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Scary Movie. Ah, dommage! Alors, le soir d'Halloween, je me rappelle avoir vu des films pendant la période d'Halloween, genre que, bah, Halloween, justement, quand j'avais 12 ans à peu près. Mais le soir d'Halloween, je sais pas du tout. J'irais tabler sur un... Ouah, je sais même pas. Bah sinon, c'est pas grave, t'en fais pas. Ouais. Est-ce que tu veux déballer la sélection qu'on a faite aujourd'hui? Tu démarres par la tienne, je finis par la mienne, vu qu'on a trois films côte à côte chronologiquement. C'est ça, chronologiquement, c'est d'abord les trois miens, ensuite les trois siens. Vas-y. Et donc moi, chronologiquement, dans ma sélection, on avait dit qu'on avait pris un film de la saga Halloween. J'ai pris Halloween 20 ans après. Qui est peut-être pas un des plus mal aimés, mais un des plus mésestimés, on va dire. Ouais, alors que franchement... On verra. On verra, voilà. Ensuite, Monster House. On va en parler longtemps dessus, là, longtemps. Alors, film de mon enfance, Monster House. Donc, Ça se voit. J'allais me demander à quel âge tu l'as découvert, j'ai eu ma réponse. Ouais, non, je l'ai découvert assez jeune. Monster House, j'ai dû le découvrir avant 10 ans. Ouais. Tu pourras peut-être répondre à ma question, alors je m'étais posé une question sur le film, vas-y. Et enfin, ce qui est pour moi le film à voir à Halloween, le cuirassé Potemkin du film d'Halloween, c'est ça, Trick or Treat. De Michael Dougherty. C'est ça. Alors ensuite, moi, j'ai d'abord All Hallows Eve de Damien Léoné en 2013, qui est un peu un film prétexte. Je reviendrai dessus. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Ensuite, j'ai Tales of Halloween de beaucoup de mecs en 2015. Je reviendrai dessus, ce qui est peut-être un peu mon atout secret. Tu vois, genre Yugi, tu ne t'y attendais pas. Bah, j'ai sorti cette carte. Et enfin, tu vois, c'est un peu le. Bah, tu vois, dans Trick or Treat, il y a Treat. Et ça, c'est un peu le treat de la sélection, c'est Hellfest, sorti en 2018 de Gregory Plotkin, qui est un film qui s'est fait péter la rondelle par les critiques, et c'est pas juste, et on va y revenir. Et donc je te laisse démarrer sur Halloween 20 ans après, de Steve Miner. C'est Rosenthal qui fait le suivant, du coup ok, Steve Miner, on en parlera. Vas-y, vas-y. Alors donc, Halloween 20 ans après, donc ou H20 Halloween 20 years later, je choisis saison 1 les gars, H2O. C'est ça. Donc, c'est un film sorti en 98, donc le 5 août aux USA et le 9 décembre en France. Aucun des deux n'était casé à Halloween. Sortir un film d'Halloween en Noël, chiche. Tu sais que Krampus, je crois qu'il est sorti en mai en France. Mais tu sais que Scream est sorti en décembre aux États-Unis. Genius. Genius, les mecs. Il est donc réalisé par Steve Miner. Steve Miner, à qui on doit, entre autres, le premier film House. Oh, j'adore. C'est un de mes gros plaisirs coupables, ça. Je l'ai pas encore vu. La saga House, elle est trop drôle, mec. J'ai vu aucun film de la saga. À qui on doit aussi Vendredi 13, 2 et 3. Le 2, c'est avec le sac en plastique. Ouais, et le 3, c'est le premier. Enfin, non, le sac à patates, le sac en plastique. Le 3 est cool. Le 3, c'est celui où il met le masque pour la première fois. Et, ouais. Et le 3 en 3D est cool. Le 3 est cool, là. Ouais. Et aussi Lake Placid. Je lui en veux. Je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai pas beaucoup de souvenirs du film. Je lui en veux pour les évolutions de la saga, tu vois. c'est devenu plus consanguin que La Colline des Yeux, ce truc. Oui, mais il a réalisé quoi? Au scénario, on retrouve donc Robert Zappia qui a écrit La Proie du Diable, qui sort qui est sorti mercredi, qui est sorti hier. Ah, c'est lui qui a fait ce truc ? Qu'il a écrit, je l'ai pas encore vu, j'avoue, my bad, mais la bande-annonce, ça a l'air quand même dramatique. Hein, c'est... J'ai pas encore vu non plus, donc on verra. On retrouve aussi Matt Greenberg, un scénariste qui est très lié à Stephen King. Parce qu'au-delà d'avoir écrit Le Règne du Feu et l'épisode de Master of Horror qui est réalisé par William Malone, il a corrigé le script de Children of the Corn 3. Ah, écoute, en vrai, le 3, c'est pas le pire. J'ai vu que le 1. Je les ai pas tous vus parce que j'avoue qu'il y en a beaucoup trop pour que j'ai pas assez de temps à perdre. Il y en a 9, un truc comme ça, ou 10. Plus. Et, y en a, et à la fin, ça finit par être fait par Joël Sausson, mec. Le copain de Patrick Lussier. Patrick Lussier qui a fait Dracula 2000 avec Gérard Butler. Et donc, on reste sur Stephen King parce qu'il a aussi écrit Chambre 1408 et Cimetière, le remake. Alors, tu sais que j'ai une grosse sympathie pour lui. Pourquoi faire ? Alors. Explication. On dit vague, mais c'est pas grave. Vague. C'est... Alors. Pardon, j'avalais. Oui, comme la dernière fois, on se sustente en même temps, c'est on est ça. Là pour passer un bon moment. On a de la bonne grosse pizza. Voilà. On est déjà dans la condition d'Halloween. En fait, faut savoir, ce Cimetière, le remake, je l'ai vu à genre 14h au UGC Cinécité La Défense, salle 4. Je me rappelle. C'était un samedi, et en gros, il n'y avait que moi et Sèvres, hein, qui se reconnaît sûrement, je crois qu'il écoute d'ailleurs, qui a un pote dont je suis très très proche. Et en fait, on a vu le film dans une salle quasi seule. Au début, t'avais trois gamins qui sont venus devant nous et qui sont partis au bout de 20 minutes. On s'est retrouvé avec la salle seule et en fait, il faudra qu'on réagissait à haute voix et tout ça. Quand la salle est seule, on peut se permettre de le faire. Et c'était trop cool comme séance. C'était trop trop cool. Après, je l'ai jamais revu depuis. Je sais pas si je dois le revoir. Mais voilà, j'ai une affection peut-être coupable pour le Cimetière de 2019. Je te laisse reprendre. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film sort dans la mouvance du néo-slasher. Mouvance... T'aimes bien les néo-slasher, toi ? Honnêtement ? Destination finale. Ouais, c'est cool, Destination finale. Ouais, le 3. Le 3. Et c'est pas pour rien que le film est coproduit par Kevin Williamson. Scénariste de Scream, de Souviens-toi l'été dernier, de voilà. La série Dawson. J'adore cette idée. Et donc, de quoi ça parle ? Donc, le film fait donc table rase avec les 4 films précédents, c'est-à-dire Halloween 3, 4, 5 et 6. Et donc, c'est une suite directe au Halloween 2 de Rick Rosenthal. On reparlera de Rick Rosenthal dans quelques minutes. Viens, on n'en parle pas tant que ça. J'ai revu Halloween Résurrection, c'est pas pour ne pas en parler. Je sais, je me suis dit un truc, c'est que Halloween Résurrection, c'est le Pascal Pro de la saga. Moi, on en parle, mieux ça. Comme Cyril Hanouna. Comme beaucoup de trucs. Oui. Donc c'est le retour de Jamie Lee Curtis dans la saga, après 17 ans, parce que Halloween 2, ça datait de 81. Là, on est en 98. 98, ouais. Pas 20 ans après, oui, du coup. Donc elle a essayé de changer de nom, elle s'appelle plus Laurie Strode, mais Kerry Tate. Ouais, c'est un nom d'emprunt, du coup. Oui, c'est ça. Et a déménagé en Californie, où elle travaille dans l'université où étudie son fils. Sauf que... Son fils joué par... On y revient. D'accord. On y revient avec Castelli. Sauf que, à un moment, dans la scène d'intro du film, on retrouve l'assistant du Dr. Loomis, qu'on voyait dans l'intro du 1, ouais. Qui se fait cambrioler par Michael Myers et tué. C'est bizarre d'imaginer Michael Myers. Bref, Alors, il cambriole, il fouille dans les dossiers et il trouve le nouveau nom et la nouvelle adresse de Laurie. D'ailleurs, cette intro est un prétexte pour voir Joseph Gordon-Levitt très jeune. Très jeune, trop très jeune d'ailleurs. Pour situer l'âge, on est avant 10 bonnes raisons de te larguer. Ouais, c'est vraiment. Mais c'est un truc que j'aime bien dans les néo-slashers. C'est quand tu avais Paul Rudd aussi dans Halloween 6, je crois. 6, ouais. Ouais, ça, et t'es toujours des jeunes acteurs et tu te dis, oh, toi, t'as de la carrière, toi, c'est. Bon, on en parlera de. Il y a des grands acteurs qui nous ont suivi. Vends-moi du rêve. Et donc. Pile poil 20 ans après le massacre d'Haddonfield, Michael retrouve Laurie et va, comme c'est surprenant, essayer de la tuer. On s'y attendait pas, il lui propose pas un poker. Alors, juste avant de dire ce qu'on pense du film, on parlait du casting, donc on a quand même donc Jamie Lee Curtis. Merveilleuse, sublime, magnifique, Jamie Lee Curtis. C'est ça, donc Jamie Lee Curtis, c'est la saga Halloween, c'est Everything Everywhere All at Once, c'est True Lies, un poisson nommé Wanda, Fog, le bal de l'aurore, le monstre du train, Virus, Freaky Friday. Tout ça pour dire qu'elle a une carrière longue comme le bras et que c'est une actrice à peu près intouchable. La série Scream Queens est à couteau tiré. À couteau tiré, exact. Très bon voilà. Là-dedans, d'ailleurs. On retrouve, du coup, en... en fils de Laurie, Josh Hartnett, qui joue dans l'excellentissime 30 jours de nuit, que j'ai pas encore vu, et dans Pearl Harbor aussi, je crois. Ouais, bah c'est ça, donc il a le, on le voit notamment dans Virgin Suicide, Pearl Harbor, La Chute du Faucon Noir, Le Dahlia Noir. Il joue pas dans The Faculty? Si, je crois qu'il est dans The Faculty, je crois que c'est avant The Faculty d'ailleurs. Ah bah, c'est 1999, oui. Ah, donc c'est son premier film. La série Penny Dreadful, Un homme en colère, Black Mirror. Mm-hmm. On retrouve Adam Arkin, qui a surtout joué dans des séries comme La Cinquième Dimension, Hawaii 5-0, MacGyver, La Croisière s'amuse, Modern Family, et dans des films comme Lake Placid ou Pig avec Nicolas Cage. Excellent. Et niveau acteur qui a eu une grande carrière, ou plutôt actrice, on a Michelle Williams dans le film. Joue qui? Bah, la copine du fils de Jamie Lee Curtis. Putain, je l'ai pas reconnue. Mais c'est la brune? C'est la blonde. Ah non, la brune, c'est celle qui se fait, qui se fait éclater le pied. Oui. Non, ouais, ok, ok, d'accord. Oui. Oh, putain, je l'ai pas reconnue. Oh, merde. Donc voilà, Michelle Williams, donc qu'on connaît pour La Mutante, pour Brokeback Mountain, Shutter Island. C'est cool que tu démarres par La Mutante alors qu'elle a fait Brokeback Mountain et Shutter Island, gros. C'est vraiment genre, tu sais, tu sors le truc un peu honteux de sous le paillasson, genre, elle a fait ça, en fait, les gars. C'est... En chronologique, voilà. Et on la retrouve à l'affiche du prochain Spielberg qui sort en janvier. Fablemans. Fablemans. Je l'attends, mais comme c'est pas perdu possible. Et donc après, on retrouve aussi, donc dans la bande d'ado, donc qui, où il y a Michelle Williams et Josh Hartnett, et deux autres, c'est Adam Ann Bird, qui jouait notamment le jeune Alan Parrish dans Jumanji. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Jumanji, donc je l'avoue, là, c'est... il est pas bon. Et on retrouve Jodie Lynn O'Keefe, le Jumanji original. Hein. Ouais, le bon. Ouais. Je déteste pas les derniers, mais le bon. Et donc Jodie, moi aussi. Mais donc Jodie Lynn O'Keefe, qui est là dans Elle est trop bien, The Crow 3. Tu sais que je l'ai vu ce truc, hein. Je sais, t'as vu tous les Crow. Et tu sais que c'est compliqué, hein. Enfin, dès le 2, c'est compliqué. Hein. C'est... on retrouve aussi LL Cool J. C'est... Est-ce que... Ah, parce qu'il n'y a pas que Busta Rhymes, un rappeur connu dans la saga Halloween. Non, non, mais lui, ça va, il a un bon rôle. Genre, lui, il fait pas du kung-fu à Michael Myers. Ah, ouais, non, et lui, grille pas les couilles avec des pinces croco. C'est rude, mec. C'est rude de placer Résurrection, quand même. Et donc, voilà, LL Cool J, qui est rappeur, mais qui a aussi une carrière au cinéma. On l'a vu dans Peur Bleu, dans Doctor House, Match Retour. Peur voilà. Bleu, Shadow. Pas encore vu. Shadow. Et on retrouve Janet Leigh. Ah, la mère, c'est la mère de Jamie Lee Curtis. Dans la vraie vie, c'est la mère de Jamie Lee Curtis. Qui joue dans Psychose. Du coup. Qui joue dans Psychose, voilà, c'est la doyenne du bahut. D'ailleurs, il y a une réplique très touchante dans ce film, justement. Ouais, je vois, ouais. Où elle lui dit, si je peux me permettre d'être un peu maternelle. Voilà, donc, un moment assez touchant, sachant qu'elles avaient déjà joué toutes les deux dans Fog de Carpenter. Janet Leigh est dans Fog. Ouais, Janet Leigh est dans Fog. Elle joue qui? Je sais plus. Pour le coup, Fog, je l'ai vu, c'est pas le meilleur Carpenter, hein. c'est pas non, mais il est cool. Et donc, évidemment, il y a Jamie Lee Curtis, mais je me rappelle plus qu'il y avait Janet Leigh. Voilà. Ok. Et donc, toi, qu'est-ce que tu penses du film? Qu'est-ce que je pense du film? Alors, je vais... En fait, faut ça... Le rapport que j'ai à la saga Halloween, je pense qu'il est moins profond que toi. Je sais que pour toi, Michael Myers, c'est un peu le Ken de ta Barbie... La pitch de ton Mario, tu vois, c'est pas pour rien qu'il est dans l'icône du podcast. Moi, sans mentir, je l'avais vu une fois, c'est-à-dire que je m'étais fait toute la saga Halloween avant le Halloween 2018. Et alors, il est coincé entre Halloween 6 et Halloween Résurrection. Enfin, Halloween 6, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi j'avoue que je le trouve vraiment dur, Halloween 6. C'est vraiment bien rude quand même. Et Halloween, j'ai pas des masses de souvenirs de Halloween 6. Et Halloween Résurrection, je trouve que c'est vraiment une purge, mais comme c'est pas permis. C'est... Mais maintenant que tu l'équipes en multizone. Ah mais pour je moi, pourrais comparer le Get Normal et le Unlimited Producer's Cut. Ouais, le Producer's Cut, ouais. Que j'ai en Blu-ray, du coup, mais zoné aux US. Pour moi, le Résurrection, c'est le pire de la saga, honnêtement. Totalement. Et alors, en fait, du coup, quand je l'avais vu, je m'étais dit... Coucou les haters de Halloween 3, Halloween 2, Halloween Ends, Halloween 2 de Rob Zombie. Halloween 3, je trouve que c'est une pépite. J'adore ce film. Oui, totalement. Halloween 2 de Rob Zombie. Moi, je suis fan de Rob Zombie. Je sais que toi, moi, mais moi, j'adore Rob Zombie. Et je trouve vraiment que le film est une proposition intéressante. Pas un chef-d'œuvre, parce que je sais que certains, ils voient vraiment une merveille. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais je trouve vraiment qu'il y a des qualités et que ça préfigure Lords of Salem, que je trouve pour le coup être un putain de film. Halloween 2, c'est plus un préquel à Devil's Reject. Oui. Et Halloween Kills, c'est cool. Halloween Kills, c'est bien. Vraiment, Halloween Ends. Il y a... Que j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu. Alors, en fait, du coup, lorsque j'avais vu Halloween 20 à juin à l'époque, je m'étais dit... Halloween 20. Bientôt, on y sera. Tu sais qu'on y sera. Et à juin, du coup, je l'avais vu et je m'étais dit, ça va. Genre, il est cool, tu vois. Mais en fait, en le voyant, je me suis dit, ah, En fait, j'avoue, lorsque je l'ai revu, je me suis dit que j'avais quand même un peu de mal avec l'opus. C'est-à-dire, j'ai rien de, c'est pas non plus une grosse purge, parce que enfin, on parle quand même d'une saga où il y a à nouveau, il y a Halloween 6, il y a Halloween 5 aussi que j'ai pas dit, mais qui n'est pas horrible, mais il n'est pas non plus incroyable. À nouveau, il y a, encore une fois, il y a Halloween Resurrection. Enfin bref, ça même Halloween, que même Halloween 2, l'original, je suis pas fan. Hein. Moi ça va. Je trouve la deuxième partie sympa, mais je trouve la première vraiment longue. Hein. Ouais, la deuxième partie dans le snow, mais je t'avoue que putain, le meurtre. Dans le jacuzzi. Le meurtre dans le jacuzzi, il est génial. C'est vraiment l'opposé du meurtre à la The Flick It dans la Zenix. C'est ça. Et en fait, pour le coup, je le trouve pas détestable. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, la réalisation se tient. C'est-à-dire, Steve Miner, bon, c'est un honnête artisan, il en a à peu près quelque chose à foutre. Voilà. La photo est correcte. L'idée de rebooter la saga pour la première fois, parce que bon, ça va devenir un trope récurrent. Elle est plutôt pas mal, d'autant plus que le film assume d'avoir des darons en héros, parce que dans le film, Jamie Lee Curtis, elle a 40 balles. Quoi, ouais, c'est ça, ouais. Elle avait 18 quand Halloween 1 est terminé. Ça. Mais je trouve aussi que le film a vraiment énormément de défauts, mais qui sont inhérents finalement au slasher de l'époque. C'est-à-dire que la photo, elle se tient, mais elle est pas incroyable. C'est typiquement la photo sous la toile des derniers. C'est-à-dire qu'elle va, hein, mais c'est pas incroyable. Les acteurs jeunes, pas tous au niveau, je trouve. Autant que Jean Chartnet s'en sort super bien, mais parce que c'est le rôle qui lui va bien. Tu vois, enfin, si vous avez vu Virgin Suicide, c'est le héros de Virgin Suicide, 5 ans avant, quoi. Ça, il s'en. Il y a ah, ça. Non, Virgin Suicide, c'est quoi, c'est 2000 ? Bah, 2000, mais ce que je veux dire, c'est que c'est littéralement le préquel de ce héros, en fait. Oui. Le beau gosse, un peu. Tu vois, genre, oh my god, he's so mean, tu vois ça. Et pour le coup, j'avoue que c'est con, mais c'est un slasher. On vient pour, je viens aussi pour les kills. Et les kills sont pas tous dingues. Après, je sais. Bah, et surtout, ils sont pas nombreux, les kills. Là, et surtout, ils sont pas ouf. Et je sais pas si le film a eu des problèmes de censure ou pas. Parce que je sais que la vague des néo-slashers, il y a aussi pas mal. Ben, on avait parlé de Cherry Falls la dernière fois. Et la vague des néo-slashers, c'est quand même, elle est quand même pas gâtée en termes de censure. Donc, il y a ça. Après, pour le coup, ça c'est très personnel, mais je veux que moi, le Michael que je préfère, c'est Michael de bourrin. C'est-à-dire, c'est le Michael de Halloween 1, de Rob Zombie, ou même des derniers de Gordon Green. Oui. Le côté colosse inarrêtable. Et là, dans ce film, Michael, il a aucune gueule. Je trouve vraiment. En fait, j'ai un masque. On voit ses yeux à travers son masque. Voilà. Et je trouve ça horrible. Dans le dernier Gordon Green, on ne voit jamais ses yeux, et je trouve que ça lui donne vraiment un côté ultra imposant, creepy. Et là, quand on voit ses yeux, t'as juste l'impression que. Voilà. Il y a un peu de ça, il y a un peu de et ça. Et je trouve il a pas de gueule entre vraiment, donc le masque pas dingue et la façon dont il agit que je trouve parfois un peu conne, tu vois, genre la poursuite dans la baraque, tu le vois en fond, il disparaît, il réapparaît, il disparaît, tu vois. C'est un film de silhouette. Tu me diras, ça lui va bien, c'est pour The Shape, hein, mais oui. Yes. Voilà. Après, je vois vraiment les qualités qu'il a, je suis pas convaincu au global. Et je pense que quand je l'avais aimé, c'était parce qu'il est vraiment entre les deux pires. Ouais. Mais en tant que tel, en le revoyant, je me suis juste dit, il est sympa. Il y a des qualités à nouveau de Jamie Lee Curtis, c'est toujours super cool. Mais c'est trop en demi-teinte, on va dire, pour me convaincre pleinement. C'est pour ça que je le mets pas dans mon top de la saga. Pour moi, dans le top, t'as le 1 qui est genre très très loin devant. J'adore le premier de Rob Zombie. Et parce que je serais tenté de mettre le 3 en 3ème. Mais si on reste sur les Michael Myers, je dirais ouais, peut-être le. Soit le Halloween de 2018, soit le 2ème de Rob Zombie, tu vois, parce que vraiment je l'aime bien. Ouais. Mais voilà, H20, il y a des qualités. Il est bien mieux que les deux qui l'entourent. C'est trop en demi-teinte pour moi et trop de défauts inhérents au néo-slasher. Ouais. Je t'avoue que si je devais le replacer dans l'ordre de la saga, je mets quand même au-dessus le film de Carpenter, évidemment, les 3 de Gordon Green, le premier de Rob Zombie, le 2, le 3. T'en mets beaucoup au-dessus quand même. Ouais. Mais après, le problème, c'est que là, dans ce cas, t'as nouveau, t'as le 4, 5, 6 résurrection. Et là, on creuse dans le purin, tu vois. Et Halloween 2 de Rob Zombie. Alors, ça, tu. Bon, vas-y. Il est attaquable sur plein de fronts. Je sais que je suis en minorité là-dessus. Et voilà, et ce que je pense du film, pour le coup, je l'aime quand même assez bien. C'est-à-dire que c'est un peu, je trouve, le haut du panier du slasher. C'est-à-dire que niveau personnage, t'as pas envie de tous les tuer. T'en as certains qui sont attachants. Jean Chartnet, il est vachement bien. Hein. Il est assez touchant. Même Michel Williams aussi. Ouais, sa copine, tu sens que c'est pas non plus incroyable, on n'est pas dans du Shakespeare, mais ça reste, je trouve, assez touchant et assez efficace dans la relation, et j'aime beaucoup la relation que Josh Hartnett a avec Jamie Lee Curtis. Évidemment, qui est une très belle relation, mais même Jamie Lee Curtis avec son nouveau copain, avec qui elle a pas dit, qu'elle était Laurie Strode. Mais pour le coup, c'est assez touchant, parce que tu vois justement qu'elle veut prendre sur elle, et qu'elle n'ose pas lui dire, et même quand elle lui dit, tu sens que lui, il est en mode, oui, c'est sûr. Mais donc, voilà, il y a beaucoup de qualité dans ce film. Et ouais, on disait tout à l'heure, il est assez avare en meurtre. Hein. Pour rappel, J'en ai 6 ou 7 en tête. Hein. Il me semble que le body count est à 6 ou 7 et le seul que je retiens, c'est celui de la brune. Non, non, alors, je vais te dire. Dans le film de Carpenter, Myers fait 5 victimes, dont une hors champ, le camionneur à qui il pique sa tenue, pas le mécanicien. Moi, j'en retiens toujours que deux, le pin au mur et la meuf fantôme, enfin, quand il la tue en fantôme. Bah, il y a sa sœur au début. Ouais. Il y a le. Il y a le mécanicien. Ouais. Il y a dans la voiture. Il y a le copain pile au mur et il y a la meuf qui l'étrangle après avec le câble du téléphone. Ouais, ok. Voilà, donc ça c'est les 5 meurtres de Halloween, dont un qui est hors champ. Et Halloween n'est pas du tout mort. Mais, c'est ça. Mais j'ai le film qui a l'opposé de Halloween dans ma sélection. Enfin, et bordé de ma sélection. Halloween 20 ans après, Myers fait 4 victimes, dont une hors champ. Ouais, d'accord, ouais, donc il y en a vraiment vachement moins. C'est moi, ça. Celui du début, bah, la meuf dans la soft. Ouais. La brune. La brune, ouais, mais avant ça, il y a le mec, mais qu'on voit pas mourir, qu'on retrouve mort. Ouais. Et le mec de Jamie. 4. Ouais, c'est à voir quand même. Hein. Et on va parler de la fin, spoiler. Spoiler, Laurie décapite Michael à la fin du film. Ouais, et même sur la décapitation, il a l'air teubé dans les rôles. Oui. Ça, c'est son masque, hein. Et après, c'est une fin, on va dire, à peu près chouette. Ouais, non, mais la fin était cool, enfin, je veux dire... Ouais, pourquoi ils ont fait une suite? Parce que, attention, révélation d'Halloween Résurrection. Putain, pour le film qui retarde la saga, c'est quand même chaud de s'appeler Résurrection. Ouais, c'est chaud, quand même. En fait, Michael, il avait pris un des policiers, un des ambulanciers, et il lui avait mis son masque. Son masque, et du coup, il a pas pu se faire arrêter. Voilà, et bien sûr, pour montrer que Michael, il est déguisé en ambulancier, et ben, il a une tenue d'ambulancier avec son gros schlasse vénère à la main. Non, mais honnêtement, franchement, on va sur Halloween Resurrection plus tard. Ça va m'emmerder. Mais est-ce qu'on est d'accord que Halloween, enfin, H20 en tout cas, c'est un bon Halloween. C'est un bon Halloween. C'est-à-dire que... Bah, c'est même un bon slasher. Bon slasher, moi, je suis quand même un peu mitigé. C'est-à-dire que c'est... Ouais, un bon film d'horreur pour ado, mais en tant que slasher, tu l'as dit, 4 meurtres, dont un hors champ et les 3 restes, c'est pas ouf. Ouais. Mais. Si, le meurtre du mec de Jamie. Ouais, celui-là, il se sort. Il se fait. Non, ça, après, ouais. Pour le coup, pour moi, c'est plus vraiment déjà un néo-slasher, mais vraiment oui. Un bon néo-slasher, quoi. Oui. Mais je suis même pas sûr que ça soit si bon un néo-slasher. Il est au-dessus de Souviens-toi l'été dernier et des autres merdes comme ça. Alors, bah, Legend. Parce qu'il est sauvé par son écriture. Les suites de Scream, sauf le 4. Voilà, et le fait qu'il assume. Qu'il assume son côté héritage 20 ans après, mais en même temps, ouais, je vais pas. Tu vois, si je vais reprendre ma métaphore familiale, tu vois, Halloween 5, c'est le cousin que t'as oublié. Halloween 6, c'est celui que tu veux oublier. Halloween Résurrection, c'est celui que tu dois oublier. Et Halloween H20, tu vois, c'est celui, tu l'as pas oublié. Il est là, tu l'invites aux réunions de famille régulières, ouais. Mais tu vas pas non plus l'inviter tous les dimanches. Parce que tu vois, c'est un peu chiant quand même. C'est ça, ouais. Par contre, Halloween Resurrection, c'est vraiment le zémouriste. Ouais. Tu veux pas l'inviter. Tu vois, Halloween Resurrection, c'est celui, tu le ramènes à un repas, tu sais qu'il a ramené son McDo. Tu vois, c'est la classe, tu vois. Bref, non, mais. Ouais, et c'est pour ça que H20, il est sympa. Et à nouveau, moi, ce que j'ai vraiment remarqué dans le film, c'est qu'il assume d'avoir des darons en héros. Parce que pour le coup, les mecs de 30 ans qui jouent des ados de 19 ans, chiant. Voilà, c'est cette phrase de Scary Movie, c'est je suis sûr qu'ils auraient engagé des gens de 30 ans pour jouer notre rôle. Ouais, je suis sûr qu'ils auraient pris Jennifer Love Hewitt. Ça, et alors là, pour le coup, ils assument, mais sorti de ça, j'avoue que pour moi, le film est pas non plus... Je vais pas le mettre dans mon panthéon et je vais rarement me dire, franchement, ce soir, les gars, on se fait un petit H20. Là, c'est le moment, tu vois. Parce que moi, si je veux faire Halloween, si je veux du fun, je vais me faire soit le premier Drop Zombie, soit ce Gordon Green, soit le 3. Ouais. Si je veux du plus sérieux, bah je me fais un autre de Gordon, un Gordon Green, à la limite, ou le premier. Lui, ouais, il a le cul entre deux chaises, il se veut le fun du New Slasher, il se veut le classicisme du premier. Il n'y a aucun des deux, finalement. Je connais ça. On va juste conclure sur quelques courtes anecdotes sur le film. Vas-y, il y en a. Alors, à la base, Carpenter devait réaliser. J'aurais dit oui. J'aurais dit oui. J'aurais été curieux de voir ce qu'il aurait fait avec ses propres personnages 20 ans plus tard. Mais... Ce qui se passe, c'est que Carpenter demandait un cachet de 10 millions en tant que réalisateur. C'est très Carpenter. Hein. Et un contrat de 3 films avec Dimension Films. Oh, ça aurait été tellement bien pour lui. Parce que Carpenter, en cette période-là, c'est avant ou après Vampire? C'est avant Vampire, je pense que c'est 99 ou 2001. Dans ce ouais, genre. Parce que après ça, du coup, il aura fait Vampire, Ghost of Mars. Et The Ward. Et Le Village des Damnés. Ouais. Non, Le Village des Damnés, c'est avant. C'est... Ouais, mais du coup, il était déjà dans la chute de sa carrière. En fait. Ouais. Ouais. Le film à la base aurait dû être une suite à Halloween 4, 5 et 6. Pour rappel, Laurie est censée être morte avant que commence Halloween 4. Et on parle quand même de la saga où, à la fin du 4, une enfant a l'esprit de Michael Myers en elle, et au début du 5, ils vont... En fait, non, ça c'est va. Ça, voilà. LL Cool J est un fan absolu d'Halloween, depuis que sa mère l'a emmené au cinéma voir le film original quand il avait 9 ans. Busta Rhymes a dit pareil. Non, Busta Rhymes était là pour l'argent. Comme Redman dans Bride of Chucky. Dans Seed of Chucky. Ouais, dans Seed of Chucky, ouais. C'est... Alors, donc le film s'est tourné 20 ans, enfin c'est tourné 17 ans après Halloween 2. Et il faut savoir que Jamie Lee Curtis avait peur de Michael Myers sur le tournage. Avec ce costume. Je sais. D'accord. Voilà. Sur la télé, la chambre des filles, on voit un extrait de Scream 2 qui passe. Ouais. Ouais. En hommage aux références à Halloween déjà dans Scream 1. Mais ça aurait dû être un extrait de Quand Harriet découpe Charlie. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh ben, c'est une comédie avec Mike Myers. Et ils auraient fait des jeux de mots entre Mike Myers et Michael Myers. Elle est subtile, celle-là. Elle est subtile. Et alors, et enfin, à l'origine, Josh Hartnett ne voulait pas participer au film. Quand on lui a dit Halloween 7, il a dit direct to video ou direct en enfer. Je sais pas pourquoi, mais je l'imagine bien, tu sais, avec sa gueule un peu ténébreux, genre. Hey, direct to video, il avait préparé sa punchline, il était trop fier. Tu sais, il arrive avec un papier, il le déplie et bam, t'as écrit ça dessus. Quoi. Mais il a accepté quand il a vu que Jimmy Lee Curtis jouait dedans. Tu m'étonnes, pour jouer le fils de Jimmy Lee Curtis, moi je suis prêt à faire beaucoup de choses. Hein, c'est... Et donc voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Halloween 20 ans après. Des choses à ajouter peut-être ? Non, non, c'est intéressant à voir, mais je pense pas qu'il restera dans l'histoire et qu'au final. Il surnage par rapport au reste de la saga, mais je suis vraiment pas sûr que c'est plus que ça un final. Ouais. Ouais. Je te laisse parler de ton film suivant qui va, je pense, être le film le plus surprenant de l'épisode. C'est ça. Alors, film de mon enfance, film d'animation. On va parler de Monster House de Gil Kenan. Ce salopard. J'ai une dent personnelle contre lui depuis son poltergeist. C'est... Monster House, il s'appelle donc La Maison Monstre au Québec. Éducation québécois. APZ. Donc, c'est Gil Kenan, c'est son premier film. On lui a aussi le remake de Poltergeist et un épisode de la série Scream. Lequel ? Saison 1 ou 2 ? Je sais plus. Saison 1, je crois. Ok. Au scénario, on retrouve Dan Harmon, qui est surtout le créateur de Community, Rick et Morty. Rob Schrab, à qui on doit deux épisodes de la série Creep Show, deux épisodes de Rick et Morty aussi. Et on retrouve aussi Pamela Petler, qui a écrit notamment Les Noces Funèbres et Numéro 9. Numéro 9, c'est quoi ce truc déjà ? C'est ce film d'animation avec la... Ah, je confonds avec Numéro 4, le truc de super-héros, là. Non, je sais pas, entre guillemets. Une grosse merde, sortie dans les années 2000. Une histoire où des extraterrestres ne peuvent tuer des gens, mais que dans un certain ordre. Ah, c'est aussi con que ça en a l'air. Et ça a l'air très con. Au cast, notamment en BO, on retrouve Steve Buscemi en Never Tracker. Steve, grandiose Buscemi. Maggie Gyllenhaal en Babysitter. La connasse, là. Ouais, si, ouais. Je déteste cette... Et Kathleen Turner en Constance. On vous dira qui est Constance plus tard. Oui, oui, ok, je t'en vois. Ah oui, oui, oui, il y a Constance. Oui. Voilà, et en VF, on trouve Christophe Lemoine, donc la VF de Cartman, Josh Gad, Jack Black, Sean Astin, Jonah Hill. Alors, tu sais que le film a démarré, j'ai entendu la voix, j'ai fait oula, non, et je suis passé en VO. Parce que je me disais Cartman, genre en rôle sincère, je pouvais pas tenir. Et en rôle de flic, on retrouve Philippe Pétieux. Qui est donc Homer, Abraham et Otto dans Les Simpsons. Qui est aussi la voix de Danny DeVito et plus globalement du Pingouin aussi. Eh ben. Voilà. Et c'est entre autres produit par Spielberg et Zemeckis, vu que c'est Amblin. Ouais, c'est une grosse patte Zemeckis sur le film show. Et donc, de quoi que ça parle, et ben on suit trois enfants qui se rendent compte que la maison d'en face de l'un d'entre eux est vivante et qu'elle mange des gens quand son propriétaire n'est pas là. C'est dit. Voilà. Ils vont devoir du coup essayer de tuer la maison. Vas-y, dis-nous, je laisse démarrer sur ton avis sur le film. J'aime beaucoup ce film. Je suis très attaché à ce film. Et ouais, grosse part de nostalgie qui joue. Mais forcément, c'est l'enfance qui parle. Et puis, bon, l'animation. C'est dans cet océan sombre des années 2000 où c'est pas mal animé, c'est pas bien animé. Bah en fait, c'est le début de la performance capture. Mais en fait, J'aime ça appeler les fonds Playmobil. C'est-à-dire, tu vois, dans les catalogues Playmobil, les décors, bah, en fait, t'as un peu ça, et dès que tu regardes un décor dans le film, t'as envie de dire, ouh, c'est vide, ouh là, t'as rien. Donc, tu vois, c'est impressionnant. Bah, typiquement, dans la ville, moi, j'ai compté 4 habitants, hein. Les 3 gamins, pardon, 6. Les 3 gamins, le voisin en face, les 2 flics. Le reste, tu les vois 10 secondes, tu vois un peu les parents, tu vois un peu la babysitter et son pote. Son pote qui s'appelle Crane. Il s'appelle Bones en anglais, ouais. Bones, non, ou Skull, non, Skull, je crois. Non, Bones. Bones. Quasiment sûr, il s'appelle Bones, ouais. Ah oui, non, oui, c'est Bones, c'est Squelette en Ouais, VF. qui est Et le infernal. mec de la bande d'arcade, Ouais. c'est Crane Ouais, en, c'est et Crane lui en c'est VF, c'est Skull, Skull en genre. VO, ouais. C'est dur. Honnêtement, c'est dur. Allez, je te laisse continuer sur détailler ton avis, mais moi, tu vois, j'ai pas détesté, mais j'expliquerai après pour un avis plus construit, on va Mais dire. donc ouais, on parlait de l'animation, il faut dire qu'on est au début de la performance capture, hein. Le film sort très peu de temps après le Pôle Express. Voilà. Et il sort avant Beowulf, du coup. Le Beowulf de Zemeckis, hein, pas le Beowulf Avec Totof! avec Totof! Cri. Voilà, on se rappelle parfois des rendus quelque peu cauchemardesques du Pôle Express. Alors, tu sais que le Pôle Express, je l'ai vu qu'une fois très jeune, je ne l'ai pas revu depuis, j'en ai juste un souvenir très. Un peu uncanny valley, tu vois, c'est. Un peu comme ça, ouais. Donc, après, si on passe outre l'animation, il y a des trucs cool. Je trouve les persos assez attachants, enfin, les trois gosses surtout. Et notamment la rencontre entre DJ Chamallow et Jenny. Ils essaient de la convaincre que la maison est possédée et mange des gens. Et elle la regarde comme ça et fait: Est-ce que vous êtes déficient en manteau? Si oui, je suis habilité à vous enseigner le baseball. Il y a des petits éclairs comme ça de poésie, C'est d'un ça. peu jovial, joviaux. Jojo. Et même globalement, le film est assez drôle, hein. Les flics, notamment. Il y a Philippe Pétieux. Voilà, il y a Homer Simpson. Moi, ça me touche, en tant qu'énorme fan des Simpsons. Mais voilà, et la maison. Je trouve que la maison a un design vraiment assez creepy aussi quand elle se met en monstre. Et oui, globalement, c'est juste un film que j'adore, quoi. Et avec des petites trouvailles, notamment. Enfin, je trouve que un peu l'intérieur de la maison. Comment t'accordes tout ça pour que ce soit une maison humaine, en fait, y a des trucs vraiment cool là-dedans. Et même toute la backstory autour de Neighbor Tracker et Constance. Je te propose de spoiler comme un bâtard. On spoile comme un Vas-y, bâtard. on spoile comme un Je bâtard. te laisse y aller. En fait, on a Nebuchadnezzar qui est le voisin d'en face, qui au début a l'air d'être un énorme connard, et en fait qui révèle que sa maison est possédée par l'âme plus ou moins de sa femme, qui s'appelle Constance, qui était très très laide, on va dire, Très LED. un peu, on va dire, enveloppée, Volumineuse. volumineuse, Circonférentielle. voilà, et qui tous les voisins, tous les gamins du quartier étaient prenait plaisir, on va dire, à embêter. Et en fait, un jour, cette Constance a pété un câble, a voulu s'énerver un petit peu et est tombée dans les fondations de la maison qui était en train d'être construite et a par la suite hanté cette maison. Oui, alors elle meurt, elle tombe dans un trou, elle essaie de se rattraper à la bétonneuse. Et elle se fait couler du béton sur la gueule. Voilà. Voilà. Tu veux que je donne La Rune mon Award. avis? Tiens, tu veux que je donne mon avis sur le film? Donc, ton parce que moi j'ai dit que je trouvais ça vraiment très Alors, très cool, donc. que dire sur Monstars? En fait, je suis vraiment extrêmement mitigé. C'est-à-dire que, déjà, j'ai vraiment mis du temps à le voir, parce que Gil Kenan, j'avais un souvenir sur Poltergeist, c'était pas le pire des remakes, mais c'était vraiment, vraiment pas ouf. Ça atteint pas le Freddy en termes de médiocrité, mais. Alors, le Poltergeist, je l'ai pas vu depuis la salle de ciné, donc ça fait quand même 7 ans. Honnêtement, il est dur. Honnêtement, il est dur. Le problème, c'est que si t'as vu l'original, t'as pas une once de fraîcheur, et si t'as vu des Conjuring, t'as pas une once de frayeur. Et en fait, donc techniquement, le film souffle chaud et le froid, en fait, parce que je trouve qu'il propose des idées de mouvement de caméra, des idées de placement assez énergiques et surprenants. T'as dit dans la maison, justement, il y a un côté organique, un peu Ouais. effrayant. T'as plein de mouvements un peu sympas. Mais à côté, t'as quand même des personnages qui sont vraiment dégueulasses. On est dans cette époque entre Souris City et B-Movie, qui sont quand même deux films que moi personnellement j'aime pas du tout. On n'est pas au niveau de Gang de requins, parce que Gang de requins, techniquement, c'est indéfendable. Attends, mais Souris City, c'est pas de l'animation ordinateur. Si, si, Souris City, c'est de la 3D. Mais c'est Armand. Non, Souris City, c'est Armand. Ah oui. En tout cas, mais j'ai un souvenir très moche de Souris City. Hein. Souris City, pour moi, c'est totalement issu de Armand. Bah, dans ce cas-là, on va se baser plutôt sur B-Movie, my bad. Je t'en prie, passons sur B-Movie, B-Movie. ça reste vraiment pas beau. Donc, Souris City, après, Souris City, je l'ai vu une fois jeune, et c'est Moi un aussi, souvenir très hein. moche qui m'a marqué. Après, si c'est Armand, je peux m'être trompé. Ah, mais c'est pour moi, c'est totalement Armand, Souris Et City. alors, on est en train de fact-checker en même temps. Et donc, en fait, surtout, un problème que j'ai avec Monster House, c'est le design général, c'est-à-dire le design des personnages, il aide vraiment pas, et c'est visiblement totalement Hardman sur E-City. Je m'en excuse. Vraiment que c'est Hardman. Ça reste un film que j'aime. Voilà, en fait, B-Movie, ça reste vraiment aussi. Hein. Et c'est, en fait, il faut savoir que vraiment, je trouve le design des personnages de Monster House vraiment pas assez convaincant. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de 3D figé qui met un peu mal à l'aise, qui monte quand même, me fait un peu. Enfin, petit, qui m'empêche de rentrer dans le film parce que je me sens pas impliqué, j'ai l'impression vraiment de voir des statues de cirque du long. Ouais, mais encore une fois, il essuyait les plâtres à l'époque. Oui, mais ça restait. C'est ça, il vieillit, je trouve qu'il vieillit assez mal en fait. Je pense que dans 10 ans, ce sera très dur à voir. Après, le film, je trouve, il s'en sort vraiment par son monstre qui est ultra cool. La maison, elle est vraiment très très très chouette. Tout que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, hein, il y a le côté un peu Tim Burton. Pas beau, qui fonctionne. Et notamment aussi, je trouve qu'il y a une belle lecture que tu peux faire sur la relation toxique que peut avoir deux personnes entre elles. Simplement, pour moi, la relation entre Neighbor Cracker et Constance, elle est clairement toxique. Ah bah oui. La relation, quand elle est devenue maison, en tout cas. Maintenant, je trouvais que le film alternait vraiment donc des bonnes idées et un truc complètement raté, à nouveau le fait de la photo, le design, etc. En fait, et surtout, je me suis posé la question, c'est qui le public cible? Parce que pour moi, c'est pas les 8-10 ans, parce que c'est trop flippant. Tu vois, genre, l'intérieur de la maison, t'as vraiment des côtés creepy. Ouais, mais toi, t'as une enfance bizarre. Ça, et en même temps, pour un plus de 10 ans, il est trop enfant. C'est-à-dire, moi, je l'ai découvert à cet âge-là, et je me disais, waouh, ça rame un peu quand même sur la narration. Donc, un film étrange que je trouve pas déplaisant, mais je saurais pas te dire ce que j'en pense. Je peux pas dire que j'adore, parce que bon, tu vois, je me sentirais. Là, demain, je me dirais pas, oh putain, faut que je vois mon Star. Voilà. Mais je peux pas détester parce qu'en même temps, t'as vraiment un côté étrange, étrange, creepy, qui est clairement dû à Zemeckis. Zemeckis peut-être un peu Spielberg aussi. Mais pour moi, ça n'a pas du tout pris en fait. C'est trop. Et surtout techniquement, c'est trop moche pour vraiment, vraiment me convaincre. Ouais. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à passer à travers de ces films d'animation. Si jamais je les ai pas découverts enfant, j'ai du mal à rentrer. Par exemple, je sais que dans la cité d'animation, on avait parlé de l'étrange histoire du petit chaperon rouge. Ah, oh, alors la comédie musicale là. Ouais, non mais je l'ai vu. C'est moi la véritable histoire. Ouais, la véritable histoire. C'est ouais. Moins moche. Enfin, mais ça reste. J'avoue que je l'avais découvert enfant pourtant. Alors je l'ai pas découvert enfant, j'ai découvert à 20-21 ans. Et en fait j'aime bien le film. Bah oui, mais c'est. Là, c'est... Et j'aime bien la revanche aussi. Ah mais je peux comprendre qu'on se dise pas de soucis. Moi j'avoue que très personnellement j'ai du mal à passer outre. Et Monster House, j'invite quand même à découvrir Monster House parce que ça reste une proposition sympa et dans les productions Zemeckis, c'est quand même le bon panier. Je trouve Zemeckis, bon, post 2000, voilà. Et c'est tous les animations, alors j'aime bien bien Wolf. J'aime bien l'homme d'étrange Noël aussi. Après, tu vois, il a quand même fait Mark Wayne, Flight, Allier, Pinocchio, c'est... Non, par contre, The Walk. The Walk, c'est cool. C'est super bien. Et non, et donc voilà, c'est pour ça que moi, Monster House, je suis trop... C'est trop raté techniquement pour que je puisse le prendre en pitié et m'attacher à ce film. Voilà. Après, je pense que si tu l'as découvert enfant, ça doit aider à passer outre ce filtre et à juste se concentrer sur ce que le film a d'autre. Ouais, là, c'est mon cas, j'ai découvert enfant. Hein, j'avais, je sais pas, peut-être ouais, entre 7 et 10 ans, je me rappelle plus l'âge exact. Mais t'avais pas genre, peur dans le film? Non? Ok. Moi, tu parles à quelqu'un qui a été traumatisé par la reine d'échecs dans Harry Potter 1. C'est pas une blague, c'est un... La reine d'échecs dans Harry Potter 1, je l'ai vu, c'était cauchemar. Hein. C'était genre 3 jours après, je peux pas bien. C'est... Après, Monster House, ça reste un chouette film de l'époque et je pense que. Tu vois, Gil Kenan, ce qui m'a surpris, c'est que pour le coup, des réalisateurs d'animation qui passent au long, bah bon, moi, tu me dis ça, je pense tout de suite à Brad Bird. Oui, mais Brad Bird aussi, c'est un génie. Voilà, et dans son film avec George Clooney, Altitude de demain, que je trouve vraiment plutôt cool. Alors, j'ai pas fait du cinéma, donc là, ça fait 8 ans. Mais moi, je le trouve chouette. Mais ouais, c'était cool. Et pour le coup, Gil Kenan, je le vois dans Monster House, j'ai pas vu ses autres trucs, j'ai juste vu Monster House Poltergeist. Et dans Monster House, je me dis, il y a un truc, il y a une patte, il y a quelque chose. Et tu vois son Poltergeist, tu fais, ah, il n'y a plus. Il a perdu les clés. Tu vois, c'est... Et non, tu sais, je connais. Mais c'est bon. Là, c'est vraiment, je n'accepte pas. Donc voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Monster House. Moi, vraiment, Monster House, c'est à découvrir. Le monstre est cool. En plus, ça dure que 1h30. C'est sur Netflix. Ouais. Enfin, de toute façon, à la fin, on fera un récap de où trouver tel film. Mais voilà, pour moi, c'est trop, trop bancal pour me convaincre pleinement. Voilà. Alors, juste encore une fois, quelques petites anecdotes vite fait. Et vas-y. À la volée comme ça. Donc, c'est l'un des premiers films d'animation, donc, comme on a dit, à utiliser la performance capture. Ce qui est tout à son honneur. Voilà. Très peu de temps après le Pôle Express, du coup. Voilà, comme ça, le film se passe en 83. C'est jamais abordé dans le film. C'est jamais abordé dans le film, je vois pas l'intérêt de ce film. Surtout que, un truc qui me paraît très bizarre, c'est que quand CG. Si, tu peux le voir, t'as des bornes d'Anidarka et des trucs comme ça. Ah, mais le truc, c'est que quand CG rappelle son voisin, c'est un téléphone fixe, mais sans fil. Oui, t'as ça. Et tu fais, non. Alors, oui, mais non, tu vois, ça ne passe pas, CG. Non, c'est CG ou DJ ? DJ, c'est DJ. Voilà. DJ. Ouais, tout alors. Je n'arrête pas de dire DJ, je suis en mode, mais DJ, mets-nous du son. Alors, il y a une réplique, c'est DJ, tu pisses dans des bouteilles ? Ouais. Alors, scène très cringe, moi, look très cringe. J'avais pas envie de dire, j'étais juste en mode, ah, le malaise. Alors, à la base, donc, ça a été enregistré en disant, en VO, CG, you piss in bottles. Mais ça a été corrigé par P pour garder une classification de PG. Complètement con. Complètement con, oui. Juste, le film, t'as un budget pour le film ou pas du tout ? 75 millions. Beaucoup pour ce que c'est. Après, l'avantage avec Monster Rock, je pensais juste qu'on a les affiches sous les yeux. Si vous voyez l'affiche du film, tout le ton est donné. Si vous passez l'affiche en vous disant ça va, c'est pas trop moche, le film est fait pour vous. Il a rapporté deux fois son budget. Ça va. Il a rapporté 141 millions et 9. Après, je pense qu'il a aussi dû être pas mal commercialisé sur les noms de Spielberg des Amicis. Ah bah oui, mais déjà quand t'es une prod en bin, oui, c'est... Oui, forcément. Aussi, la scène où la gamine fait du tricycle au début, c'est une ref à Shining. Une ref subtile en plus. Subtile. Et on retrouve d'autres ref à Stephen King d'ailleurs dans le film. Parce que la maison qui prend vie et qui mange des gens, apparemment, c'est l'intérieur de la Tour Sombre. Ouais. Un truc comme ça dans la Tour Sombre, je pense que c'est le tome 2. Le tome 3, apparemment. 2 ou 3. Et le singe mécanique au sous-sol, ça vient d'une des histoires du recueil Brume. De Incident de parcours de Georges Orwell. Non, mais oui, ça vient aussi. Alors, Brume, pour le coup, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais, je l'ai pas lu. Là, je me rappelle qu'il y avait un truc comme ça. Et il parle pas de Cujo à un moment aussi Je sais plus. Il semble qu'il parle de Cujo. Ou alors c'est. Non, c'est juste que j'ai vu un épisode de Brooklyn Nine-Nine avant. Et il me semble que dans Brooklyn Nine-Nine, il dit ouais, j'ai vu des films flippants, notamment Cujo. Ok. Et aussi la façon dont il déguise l'aspirateur en le bourrant de Médoc. Oui. Le masque qu'il lui fout et la veste, apparemment c'est une référence à Denis Darko. Ouais. Et pour le coup, celle-là, faut l'avoir quand même. Je sais, après en cherchant les trucs sur le film, j'ai vu ça, mais voilà, j'ai vu ça aussi. Ok. Et voilà. Donc c'est tout ce qu'on avait à dire sur Monster House de Gabe Kedan. Et tu passes à ton dernier film de la saga, le cuirassé Potemkin, tu vois, le Godzilla des. Le parrain des films se passant le 31 octobre. Le Godzilla du Trick or Treat, quoi, c'est... Eh ben justement. Trick or Treat. Trick or Treat, de Michael Dougherty. Encore une fois, tu sais que j'aime bien trouver des petits titres alternatifs. Vas-y. Et donc, au Québec, qui s'appelle Terreur à l'Halloween. Complètement con. C'est complètement con. Mais, d'ailleurs, dans la VF, dans la version québécoise, dans le doublage, tu entends ça pendant le générique Terreur à l'Halloween. Creepy. Donc, juste, on peut faire un rapide focus sur Michael Dougherty. Qui est quand même un mec, on l'a perdu, ça y est. C'est-à-dire que, après ça, il a fait Krampus, qui est super, qui est un film que moi je trouve ça un chef-d'œuvre, je trouve que c'est incroyable. Cool, Krampus. Vraiment. Après ça, il a fait Godzilla 2, que, bon, on l'a, bon, moi je l'ai pas vu, je l'ai subi, perso. Bah, tous les beaux plans sont dans l'abondance, quoi, et surtout, Godzilla 2, j'arrive pas à passer ça. C'est quand même un film qui fait, tous ces connards d'écolo, on leur envoie une bombe nucléaire dans la gueule, et c'est terminé, tu vois. Putain, c'est voir quand même. Et ouais, après, je sais que maintenant tu m'as dit, bosse peut-être sur Trick or Treat 2. Il a été annoncé officiellement pour 2023. Ok, on espère, mais c'est surtout un scénariste à la base, il me semble. Enfin, je te laisse. Pour moi, Dougherty, c'était vraiment un grand devenir. On l'a perdu, c'est. Bah, un peu comme pas mal de réal d'horreur qui passent après au mainstream. Moi, je pense tout de suite à Adam Wingard aussi, qui avait fait Your Name, enfin, qui avait fait deux films avant, dont Horrible Way to Die, que j'avais vu renommé, elle n'est pas de moi, celle-là, mais j'aime beaucoup. Horrible Movie to Watch, ce qui n'est pas totalement faux, qui après avait fait Your Next, que moi j'aime énormément. Je sais pas si t'en penses. Correct. Moi j'aime beaucoup Your Next. Il a une énergie que je trouve assez communicative, et vraiment c'est un film à voir avec des potes. Ouais, bah après moi j'ai vu tout seul sur ordi, donc Il avait fait The Guest, qui est super aussi, The Guest. Très, très étonnant comme film. Et après il part en couille et il nous fait Blair Witch, le remake, qui est ni fait ni à faire, enfin, le 2016, hein, voilà, ah ouais. Qui est dur quand même. Il nous fait Godzilla vs Kong, qui est mieux que Godzilla 2, parce que plus teubé. Et il y a moins Millie Bobby Brown aussi. J'ai rien contre elle, mais son personnage est horrible. Mais ça... Tu vois ça, tu fais, mais pourquoi, Adam? Pourquoi tu as fait ça? Parce que donc là, il est parti en plus pour faire Godzilla vs Kong 2. Donc lui, pour le coup, non seulement on l'a perdu, mais il est content d'être perdu, on le revoit pas. C'est dommage. Ouais, mais moi, je pensais aussi à John Watts, qui avait fait le sympathique clown. Moi, j'aime bien un clown, parce qu'il y a des enfants qui se font buter, c'est cool. Et il avait fait aussi Cop Car. Avec Kevin Bacon. Kevin Bacon est vachement bien, le film vachement bon. C'est... Et qui après, c'est... Bon, lui, pour le coup, qu'il aille se faire foutre. Hein, c'est... On ne veut pas parler de sa suite de carrière. Ça va m'énerver. Ça concerne une araignée. Non, ça concerne un plagiat d'araignée. Voilà, donc le film est écrit et réalisé par Michael Dougherty. Donc il a tout écrit tout seul. Et qui à la base donc, est plutôt un scénariste, qui a bossé avec Singer, des trucs comme ça. D'accord, ok. Je crois qu'il est sur X-Men, hein, je crois. Ah, il y a des chances, ouais. Bah, c'est pas le seul lien avec la série X-Men qu'on aura d'ailleurs sur ce film. Je te laisse continuer. Voilà. Donc le cast, on retrouve du coup Anna Paquin, qui jouait Malicia dans les X-Men. Anna Paquin qu'on aime beaucoup aussi. Que moi en tout cas j'aime beaucoup. Peut-être pas pour la bonne raison, mais j'aime bien. Donc elle est dans X-Men, dans The Irishman, elle est sur le piano, Amistad, Scream 4. Elle est trop bien. Le film, elle est trop bien, pas elle est trop bien. Voilà, c'est. Elle est trop bien en plus. On retrouve aussi Brian Cox, qui jouait dans 3 et dans X-Men 2. Mm-hmm. Voilà. Et aussi Dylan Baker, qui jouait dans Requiem for a Dream, Selma. Selma qui est réalisée par une réalisatrice qui a mon nom de famille. Catherine Bigelow? Non, Ana de Duvernay. Ah putain, bah oui! Bah Ana de Duvernay, qui est aussi. Ouais, c'est bah oui. Qui a aussi fait un raccourci dans le temps? C'est pas vu ça. Alors. Quoi? Film Disney sur le voyage dans le temps avec Chris Pine. Oh putain. Et. Ah putain! Ok. Ouais. Donne-moi des instructions. Non, c'est pas une actrice, c'est. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, voilà. Quoi? Non, faut processer l'information là. je te laisse continuer, je vais pas. Je vais pas du chétan. L'époque. Et qui joue aussi, donc on reste dans les films de super-héros, le docteur Kurt Connors dans la trilogie Spider-Man de Rémi. C'est vrai qu'il y a le docteur Kurt Connors. Ouais. Donc voilà, donc Trick or Treat, on suit du coup 5 histoires. Quoi hein? Le couple de l'intro. Tu comptes pas trop que même histoire. Bah, pour moi, j'en ai 4 des histoires. Bah, vu qu'elle revient régulièrement et même que le film se conclut sur ça. Pour moi, l'intro, c'est la fin du tout dernier sketch. Oui, mais après, tu croises aussi le couple dans tous les autres segments quasiment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc il y a le couple dans l'intro, il y a les filles déguisées qui vont dans les bois, on ne dira pas ce que c'est. Faire leur première fois. Faire leur première fois. Enfin, le personnage de Napakin va faire sa première fois. On va spoiler comme des bâtards, on va spoiler. Pas tout de suite, mais. Ah, c'est. J'ai hâte. On a aussi ce groupe d'enfants qui vont sur le lieu d'un meurtre de... Un lieu d'un événement tragique. D'un événement tragique. Restons vagues pour le moment, restons vagues. Ouais. Ça, et on a un voisin qui entend des bruits étranges... Un voisin qui ne célèbre pas Halloween. C'est ça. Qui entend des bruits étranges le soir d'Halloween dans sa maison. Mmh. Et un père qui fait des activités avec son fils. Je propose ça. Des activités. Donc... Typiquement, Trick or Treat, je pense qu'on pense pareil, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est le meilleur film qui se passe et qu'on veut voir à Halloween. C'est ça. Tout ce que tu veux voir, il est là-dedans. Je ne me lance pas sur le fait qu'il soit meilleur ou non que Halloween de Carpenter, mais dans le... C'est pas comparable, c'est pas la même approche. C'est le film qui a le plus l'esprit d'Halloween. C'est citrouille et bonbon. C'est sur l'échelle du citrouille et du bonbon, il y a 20. C'est ça, c'est 20 sur 10. Hein. 20 sur 5. Ouais. 20 sur 5. Non, c'est pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Parce que déjà, en fait, on voit que c'est un film de scénariste. Parce que on vous a dit que c'était un film à sketch, mais c'est pas un film à sketch. C'est-à-dire que pour moi, les sketchs sont tellement entremêlés. Ouais, c'est plus un film choral qu'un film à sketch. Voilà, c'est ça. Et vraiment, mais toutes les histoires ont des intérêts différents. C'est-à-dire, c'est. On a, donc, comme on l'a dit, on a l'histoire de la première fois, on a l'histoire de. Du voisin, l'histoire du papa, enfin bref. Si je peux donner des trucs plus simples, en fait, simple. Quand je dis que c'est un film de scénariste, on sent que la réal, on sent que c'est une première réal. C'est-à-dire, ça fait le boulot, c'est pas non plus exceptionnel. Après, Krampus, c'est déjà un cran au-dessus en termes de réal, tu vois, tu sens qu'il monte en niveau. Bon, Godzilla 2, c'est une chute de 20 étages, hein, Godzilla 2, voilà. Mais à côté, quel putain de plaisir. Oui. C'est-à-dire que chaque segment est original, et pourtant, on a vu beaucoup de films à sketch, je pense, toi et moi. Ouais. On adore tous les deux Creepshow, ouais. Mais par exemple, si je pense à Creepshow 2, le sketch du radeau, il est exceptionnel. Les deux autres. Tous les autres. Bah, tous les autres, c'est-à-dire les deux autres, du coup, oui. Ça galère quand même. Et le grand chef indien, tête de bois. Et... je le déteste pas, tu vois, c'est pas au niveau. On a deux autres films. Le 3, c'est le second Creepshow 2 avec Autostopper. Le Creepshow 3, on n'en parle pas. Hein. Creepshow 3, non. Après, on a deux autres films à sketch ce soir, et en fait, on verra qu'il y en a un des deux que je trouve vraiment chouette, mais en termes de séquence, ça monte et ça descend. Ouais. Et il y en a un autre, c'est un cas d'école. Donc vraiment, chaque seconde, surtout, il a une touche d'humour noir, ce qui est pour moi ultra représentatif au esprit de l'esprit d'Halloween, ce côté humour un peu sale, tu vois, mais qui fait rire, Ouais. tout en proposant vraiment une super histoire vraiment intéressante, et surtout, c'est tellement Halloween. Genre, tu l'as dit, c'est les citrouilles, des bonbons, et on n'en a pas parlé, mais Sam, Sam. qui est une icône de l'horreur que je trouve incroyable. Sam, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est pour Sam Hagen, hein, c'est juste ça. Oui, bah je l'ai dans les anecdotes, mais ouais, c'est pour Ça, Sam Hagen. et en fait, Sam, faut savoir, c'est un petit bonhomme avec une espèce de petit masque en tissu, que en plus de trouver ultra bien designé, je le trouve super, super mignon, je le trouve trop choupi. Et en fait, vraiment, Sam, pour moi, c'est un personnage que je trouve, en plus d'être extrêmement intriguant, il a également un potentiel d'icône. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plein de fan art ou autre, ou de plusieurs icônes de l'horreur, où tu vois Sam dedans, alors que Sam, dans le film, il apparaît quoi, 10 minutes et tout? Ouais, même pas, mais c'est l'antagoniste du segment de ceux qui ne pratiquent pas Halloween. Je dirais même pas un antagoniste, hein, pour moi. C'est un personnage. Parce qu'il le... Il lui fait pas de mal, entendez. Enfin, si, il lui fait du mal, mais il va pas le tuer ou autre. Oui. Mais il est dans tous les sketchs, c'est Allez, j'ai pu vraiment. buter quand même. Non! Il le bute pas, il veut lui apprendre l'esprit d'Halloween. Enfin, on va en parler. Et en fait, je trouve également que le film reste constant sur ses sketchs. Ils ont tous leur qualité, propose un spectacle uniforme qui est toujours surprenant. Et pour moi, le film, du coup, pour se conclure, le film offre simplement le cocktail parfait entre humour noir, esprit d'Halloween un peu bon enfant, et en même temps, esprit plus adulte, avec les différents sketchs. Et je te propose qu'on spoil comme des bâtards sur tous les sketchs. On démarre par. Bah, si on démarre du moins bon au meilleur, on démarre par le sketch tu père de famille, éventuellement. Oui, alors Lucie est père de famille, donc en fait, on suit, donc ça commence avec, avec donc Brian Cox qui surprend, alors il est directeur d'une école, d'un collège, je pense, vu l'âge, Ouais. ceux qui le connaissent. Il surprend un petit gamin en train de prendre des grosses poignées de bonbons, là où c'est écrit un bonbon par enfant, et il trouve que c'est pas trop ça correct de respecter l'esprit d'Halloween, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va lui proposer gentiment d'entrer chez lui. Et si vous voyez la tête de Brian Cox, si vous propose gentiment d'entrer chez lui, faut dire non. Faut pas Non, dire oui. C'est comme Steve Buscemi, il faut pas. alors il propose pas d'entrer chez lui, mais Il dit ouais, il s'assoit à côté de lui, il lui dit de ouais, lui. fais bien attention à ce que tu manges. Et ça, il faut toujours surveiller ses friandises d'Halloween. Et il les avait empoisonnées. D'ailleurs, je fais l'anecdote directe maintenant comme ça. Aucune barre chocolatée, aucune friandise présente dans le film n'est une vraie marque. Parce qu'il est à chaque fois, c'est soit empoisonné, soit il y a une lame de rasoir dedans. C'est vrai en plus! C'est vrai! C'est genre, ce film est sponsorisé par Coca-Cola! Ouais! Tu le dis, genre, à la fin, tu vois Coca qui sont en mode. C'est pas très cool, les gars, quand même. Mais donc voilà, l'anecdote est faite et on a dit l'anecdote sur Sam qui vient de Samhain, donc le nom original de la fête d'Halloween. Et Sam, juste, si vous tapez Trick or Treat Sam sur internet, vous voyez forcément à quoi il ressemble. Si vous êtes un tout petit peu fan d'horreur, vous avez déjà forcément vu sa gueule quelque part. Vraiment, il Ouais. est partout. C'est un peu l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais pas chez nous. Parce que enfin, je pense que tu reviendras dessus, mais le film est totalement indisponible en France. C'est ça. C'est ce qui est honteux, d'ailleurs. Et d'ailleurs, IMDb annonce que le film est sorti en DVD en France. Non. Jamais. Je le cherchais pas. Je crois qu'il bon, j'entends tu à la fin, mais il existe un Blu-ray américain qui existe dans le monde. Oui. Mais sinon, Avec le doublage québécois. en France, il n'existe pas. En France, il n'existe pas, Il n'est non. pas là. Et donc. Et donc, bah, je vais dire moi ce que j'en pense, mais oui, c'est absolument incroyable. Les FX, est-ce qu'on parle des FX? Dans le film global ou dans le progrès sur le sketch de Brian Cox là? Dans tous. Procédons par sketch Procédons par sketch. pour arriver au meilleur. Pour moi, le meilleur pour moi c'est la première fois. Oui, la première fois. Alors, bah déjà les FX dans celui-là, on parle quand même d'un gamin qui se Qui vide, vomit son qui sang vomit comme son sang, jamais. voilà. Qui est bien dégueulasse, ouais. Et Et surtout, du restons coup, sobres éventuellement sur la fin de ce sketch là. voilà. Qui est. Bah, Mais ça implique une une tête. activité père-fils. Une petite Et père-fils. du coup, Brian Cox va tuer le Une tête et gamin. un couteau. Voilà. Et la fin devient rigolote. Et ben, pour moi, c'est le sketch le moins bon, dans le sens où c'est moins fou, mais c'est celui que je trouve le plus drôle. C'est vraiment. Ben, il y a une scène notamment où le Brian Cox essaie d'enterrer le corps d'un autre gamin. Oui. Et il y a son voisin qui vient le déranger. Et Brian Cox, en même temps, il y a un des corps qui se réveille. Et du coup, il essaie de le taper. Genre, ta gueule, ta gueule. Et je vous moi, j'ai bien rigolé devant celui-là. Ça sent la pute morte dans le jardin. Voilà. Après, pour moi, le deuxième moins bon. C'est le dernier sketch de Sam, que je trouve vraiment sympa, parce qu'on voit Sam, ce qui est déjà chouette, Oui. mais je te laisse te raconter éventuellement, sans spoiler. Pour moi, le seul que j'aimerais spoiler vraiment, c'est le sketch de la première fois, Oui. parce qu'après, tous les autres, je pense qu'il faut. C'est vraiment un film où il faut garder un peu de mystère pour découvrir, tu vois, c'est. Le sketch de Sam, Donc le siège de Sam, on suit donc ce vieux monsieur un peu bougon. donc qui est le voisin du père de famille tueur en série, du C'est coup. ça. Et qui, lui, n'aime pas Halloween. Lui, Halloween, c'est un peu Nevercracker, mais s'il était premier degré. Ouais, c'est ça, c'est ce genre de relou qui, quand tu vas chez eux, ils te servent du dentifrice, tu vois. C'est ça. Et bah, il y a ça dans Rêves de Halloween en plus. Ouais, c'est. Chut! Ne t'avance pas trop! Et puis c'est ce voisin relou qui veut jamais donner de bonbons, qui. Là, tu l'invites pas à la fête des voisins! Tu sais, Personne l'invite. personne n'invite, et même si tu l'invites, il vient pas. Donc à un moment donné, va niquer ton cul, Jean-Mi. Et il va recevoir une petite leçon de Sam. Sam qui est donc l'esprit d'Halloween. Et qui va lui dire, rien parce qu'il ne parle pas, mais qui va lui faire comprendre que Il faut fêter Halloween. il faut fêter Halloween. Et moi, j'avoue que j'adore la fin de ce sketch. La toute fin. La toute toute fin. Qui est en lien Avec avec le deuxième sketch du film. le deuxième En fait, meilleur. peut-être que vous vous perdez quand vous nous écoutez à voir quel sketch relie lequel. Mais c'est vraiment, ça rejoint ce que tu disais, c'est quasiment un film choral. Vraiment. Ça, on spoil pas trop, on essaie de pas trop en dire, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, mais on vous en supplie, s'il y a un film que vous devez retenir de cette sélection, et je sacrifie tous les miens, c'est celui-là. C'est vraiment celui-là. Et donc, pour moi, c'est genre. Et je trouve que, exactement, que sur le sketch de Sam, je trouve que c'est celui le mieux mis en scène. Parce qu'il y a une vraie tension au début, et quand t'as Sam, tu sais pas si tu dois rire, parce que le design de Sam est un peu rigolo. En fait, Sam, faut imaginer, il est tout petit, hein, il Oui. fait moins d'un mètre, quoi. Il est vraiment rigolo. Mais à côté, il est un peu creepy, notamment quand on voit sous son masque, et tu fais, ah, c'est pas ultra drôle, quoi, c'est Non. ça. Ensuite, le sketch suivant, du coup, c'est celui du Des... drame. Voilà. Moi, je serais tenté quasiment de rien dire sur celui-là. Parce que vraiment, c'est. Alors, on va juste dire que c'est quatre jeunes, ils doivent être collégiens, je pense, fin collège, qui décident de faire une blague à une de leurs camarades. On n'en dira pas plus. Ça implique... Ça va tourner mal. Ça tourne mal. Ça tourne Voilà. très mal d'ailleurs. Ça. Et le dernier. Est-ce que je peux spoiler le dernier comme un sagouin? Je t'en prie. En fait, donc, on rejoint Anna Paquin, donc, Voilà. qui va se faire agresser dans la forêt. Va dans la forêt avec ses copines. Elle va se faire En même temps, elle est agresser. toute seule dans la forêt. Oui, ça, elle est toute seule, elle rejoint ses copines ensuite. C'est ça. Elle va se faire agresser par le héros du premier, donc le papa, tueur en série. C'est ça. Elle va le kidnapper. Elle va visiblement bien lui faire mal d'ailleurs. Elle va lui dire qu'elle va faire sa première fois. Et en fait, Anna Paquin et ses copines sont des loups-garous. Et en fait, on va globalement se retrouver, alors avec une scène, alors je vais spoiler comme un sagouin, donc n'écoutez pas, sautez 2-3 minutes, avec une scène que je trouve complètement hallucinante. Alors ça, les films de loups-garous, c'est vraiment mon violon dingue. J'adore ça, il n'y en a pas beaucoup des bons, il n'y en a vraiment pas beaucoup des bons, mais quand il y en a des bons, on se dira, ah, ça fait du bien quand même. Et là, il faut imaginer une scène complètement barge où on voit. Pour l'anecdote, juste, Vas-y, vas-y. en termes de bons films de loup-garou, j'ai rencontré Joe Dante il y a quelques semaines, il y a quelques mois, pour une projection de Hurlement Max Lander, et je lui ai demandé du coup quels étaient ses films de loup-garou préférés, un peu ses références. Et. Hurlement étant un des piliers du film de C'est loup-garou. Je suis ça. pas le plus gros fan, Moi mais non faut plus. admettre qu'il a quelque chose. Mais il me dit que ses préférés, c'est La Compagnie des loups. Ce qui se défend totalement, C'est c'est le plus super. beau. C'est le plus beau en tout cas. Et Ginger Snaps. Le meilleur. Pour moi, c'est mon préféré. Ah, moi, il y a le garou de Londres qui est. Aussi, ouais, évidemment. Et pour le coup, là, dans Trick or Treat, on est plus proche de l'ambiance Ginger Snaps. Parce qu'il Oui, faut beaucoup. imaginer une vingtaine de gamines, enfin, ouais, de nanas Oh, qui ont 20, 21 ans, tu une vois. dizaine de gamines. Ouais, il y en a quand même vraiment beaucoup. Hein. Qui sont à poil, hein, déjà. Et qui vont se transformer, mais genre des transformations vraiment à la Ginger Snaps. C'est-à-dire, ça va se déchirer la peau, ça va muter, c'est dégueulasse. Alors, c'est que de l'effet prosthétique. Et ça, c'est beau. Merci Dougherty d'avoir bon goût. Merci Michel. Merci Michel. Et donc, ils vont se transformer et elle va massacrer le père tueur en série. Et vraiment, c'est une scène, je trouve, incroyable. Pour moi, cette scène-là, ce film est un C'est sur chef-d'œuvre. Sweden de Marilyn Manson. Et c'est sur Sweet Dreams de Marilyn Manson. Alors, je ne sais pas comment ça va vieillir d'ici 5-6 ans. Mais pour l'instant, surtout si vous êtes fan de Marilyn Manson, musicalement parlant, Évidemment. s'il y a d'autres fans, Sur autre chose que la musique ne de nous Manson. écoutez pas, s'il vous plaît, on ne veut pas être affilié à ça. Voilà, à Mais vous, bref, tout court. musicalement, voilà. Et bref, c'est une scène que je trouve complètement barge et je l'ai vu 3 fois le film. À chaque fois, je me dis, ah Je crois que j'ai ouais. vu au moins 5 fois, Je le trouve fabuleux. Bah, vraiment, mais c'est un film que je trouve absolument c'est exceptionnel. génial. Ah, On a un de nos potes qui le déteste. ouais, bisous à toi, Ulysse! Pour d'obscures raisons, Bah après, mais. je sais qu'il le trouve trop enfantin, ce que je peux comprendre, mais moi je le trouve pas du tout parce que déjà il est beaucoup plus violent qu'un film pour enfants. C'est-à-dire que le deuxième sketch sur lequel on vous a rien dit, Il est ultra glauque, je trouve. Il est vraiment glauque. Il n'est pas gore, mais il y a un côté malsain, tu vois, qui s'en dégage. Celui avec le Sam. Avec les enfants. Ah, avec les enfants, oui, les enfants. Oui. Ensuite, le Tuileries des loups-garous. Moi, je mets pas ça devant des enfants. Hein. Déjà, il est assez gore quand même. Et même celui avec Sam, il y a tout le moment où il se fait exploser. Ouais, si Sam, t'as vraiment un côté malsain aussi. Enfin, ouais. Vraiment, ce film est une pure pépite qui a vraiment un côté malin. Mais pas petit malin, tu vois. Vraiment, juste, c'est super bien écrit. C'est un film de scénariste, ça se sent. Et vraiment foncer, quoi. Foncer, c'est une merveille. Et pour le voir, du coup, on fera à nouveau un bilan à la fin, mais à nouveau, il y a un Blu-ray américain qui existe, qui est lisible partout, il n'est pas zoné. Ouais. Il y a deux Blu-ray américains. Il y a celui de Shout Factory, voilà. Qui lui est zoné. Qui lui est zoné, et qui lui, surtout, n'a que la VO et les sous-titres anglais. Qui est dommage, parce que pour le coup, j'ai vu, il a une interview de Dougherty, je ne l'ai pas encore vu. Et j'adorerais voir ce que Dougherty pense dessus. Avec du recul, tu vois. C'est... Ouais. Tu vois, j'aimerais bien interviewer après de Dougherty 2, genre, comment expliquez-vous la chute de votre carrière? Tu vois, c'est juste lui poser la question. Et oui, bah si on veut vite faire un rapide point sur les films abordés pour l'instant. Ah, vas-y, qu'on fera ça au film. Du coup, on démarre avec H20. Du coup, H20, il est facile. Alors, H20, en France, non. H20, il est trouvable en DVD, mais c'est assez rare. Il est trouvable en Blu-ray, il a été édité par Vidéocanal il y a des années. Maintenant, le Blu-ray vaut plus de 200 balles. Bah, le Blu-ray d'H20, après, tu vois, c'est. Après, il y a des Blu-ray anglais. Mais, faites-le remonter d'Allemagne, il y a la VF et c'est pas cher. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Blu-ray allemand. Ensuite, Monster House. Monster House, il est pas du tout difficile à trouver. Il est en DVD, Blu-ray facilement. Et il est dispo sur Netflix. Ouais, et l'édition que j'ai perso de Monster House, c'est un combo Blu-ray avec Hôtel Transylvanie, que j'ai pas encore vu. Que Hôtel Transylvanie. Bah, okay. Hôtel Transylvanie, c'est Monster House plus tard. Du coup, la technologie est plus aboutie et ça passe. Moi, j'aime bien les trois Hôtel Transylvanie. Okay. Je crois qu'il y en a quatre. J'en ai vu que trois. Il y a le quatrième qui est sorti en tout début d'année, je crois. Moi, j'ai vu que les trois et je trouve bien. Ça, et du coup Trick or Treat à nouveau uniquement Blu-ray américain. Si vous avez un lecteur DVD non zoné, prenez plutôt le Rickin de base. Enfin non, prenez le Shout Factory, ouais, qui est sorti, beau. Et qui ont aussi édité Krampus en Naughty Cut, qui est la version longue, enfin, je crois qu'il y a 2 minutes de plus. Mais ou c'est Naughty. Ouais, c'est ça. Mais ça. Et bon, on passe à la suite du coup. On passe alors juste fait quelques anecdotes. Vas-y, on parlait du segment première fois. Le chef-d'œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce segment commence par des filles qui se changent dans une cabine d'essayage et oui. qui essayent des déguisements. Oui. Il y a un petit gamin qui les espionne. J'ai pas vu ça. Si, il y a un petit gamin qui les espionne. Oui, voilà. Oui, si, c'est vrai. C'est le même qui joue Sam. Putain. Mais moi, pour le coup, je joue Trick or Treat 2, je me demande ce qui va continuer avec Sam. Ouais. Parce que vraiment. Vous voyez ce film pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais juste pour le segment de la première fois et pour Sam. Vraiment, ouais. Sam, c'est fabuleux, quoi. C'est... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le film est issu d'un court-métrage qui avait réalisé Dougherty dans les années 90, qui s'appelait Seasons Greetings. Oui, que j'ai vu. Qui est trouvable sur YouTube. Oui, c'est sympa. Qui est une bande-annonce pour Trick or Treat. C'est ça, mais 10 ans avant. Ouais. Aussi, les enfants dans... Alors bon, soyez un peu. Dans le segment du drame. Ouais. Qui sont... Le deuxième, du coup. Ouais, qui sont donc des handicapés mentaux et physiques, qui sont joués vraiment par des handicapés mentaux et physiques, apparemment. Ah, oups. Après, je trouve que ça n'a pas tant que ça d'impact sur le film. Ouais, surtout qu'ils sont tout le temps masqués. Voilà. C'est plus pour dire on l'a fait. Et donc, aussi, dans le segment du bus, on aperçoit au moment une Plymouth Fury rouge de 1958. Christine. Let's go! Let's go! Voilà, donc hommage à Christine Carpenter. Parce que quand tu fais un film sur Halloween, tu dois y faire des cartes. Faudrait faire un exégèse un jour sur le nombre de films où tu vois une Plymouth ou Christine. Il y en a trop, et c'est vraiment, enfin ouais, c'est la référence facile, tu vois, c'est comme être un chien Cujo, bon, subtil. Voilà. Moi je rêve d'un film qui se passe entièrement dans la brume, et nous dirait, ouais, c'est une référence saisonniste. J'aimerais trop, tu vois, ça serait trop drôle. Donc après, les autres références, on les a déjà dit, c'est-à-dire que le nom de Sam vient de Sam Hain. Ouais. Et du coup, l'anecdote des bonbons aussi, les bonbons et les friandises. Et je reviendrai sur les bonbons et les friandises dans mon film juste après. Et d'ailleurs, Dougherty a avoué qu'il s'était pas mal amusé avec les noms du coup des friandises qu'on voit dans le film. T'as des noms un peu rigolos. J'avais pas de nom en tête là tout de suite. Mais il a juste dit c'est rigolo. Il a dit on s'est amusé. Ok. Et, écoute, ma foi. On peut passer du coup à mon film. On peut passer à ton premier film. Le problème de passer après Trick or Treat, c'est que c'est compliqué. Surtout quand on a un film un film à sketch se passant à Halloween. Sachant que Trick or Treat, c'est quand même un film de studio, c'est quand même un gros film. Ouais, c'est Warner Trick or Treat. Voilà. Bah, moi, on va passer à un film ultra indé, tourné sur quasiment 6 ans. C'est dans les faits. Oui, c'est dans les faits. Et donc, on va passer il a dit les termes. All Hallows Eve, donc écrit, réalisé, produit. Et les effets spéciaux ont été faits par Damien Léoné. Alors, honnêtement, All Hallows Eve, c'est vraiment un film que j'utilise plutôt en prétexte pour parler avant tout de la carrière de Damien Léoné. Oui. Donc, Oh le Losif, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'une babysitter qui va garder des enfants, trouver une cassette VHS. Ils vont ensemble voir le premier sketch, qui est très étrange, on va dire, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui se fait enlever par un clown. On reviendra sur ce clown en long, en large et en travers après. Qui se fait enlever par un clown qui se fait kidnapper, qui va l'enlever pour de sombres desseins, on va dire. Elle se retrouve enchaînée dans... dans une secte bizarre et elle va plus ou moins se faire violer par Satan. Alors, je vous vends du rêve, vous excitez. Enfin, faut pas trop s'exciter. C'est super cheap. Bah, j'y reviendrai après. Et surtout, c'est entièrement suggéré, tu vois rien. Hein. Oui, tu vois absolument rien. Ensuite, le deuxième sketch, c'est une dame qui entend des bruits bizarres chez elle la nuit. Je reviendrai sur ce deuxième sketch plus tard, ne dis rien pour l'instant. Mmh. Et le troisième, qui s'appelle Terrifier, si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, on va y aussi y revenir. Donc, il suit le même clown que dans le premier sketch, qui va commettre des meurtres la nuit d'Halloween. Alors, Oh le Losif, donc c'est sorti en 2013, donc à nouveau réalisé par Damien Léoné, qui a réalisé par la suite Terrifier 1 et 2, qui sont basés sur le personnage du clown, qui s'appelle donc Art. Art le clown, qui... Art qui est au centre des sketchs, donc Nine Circle, qui est le premier du film à sketch, et Terrifier, qui est donc le dernier. Il n'est pas vraiment au centre de Nine Circle. Non, mais qui est dedans. En tout cas, qui est dedans avec un maquillage absolument dégueulasse, d'ailleurs. Et qui est présent dans le deuxième, sous forme de tableau. Oui, dans le deuxième, à toute fin. Ensuite, la seule bonne image. Ensuite, au casting, alors pour le coup, le casting, on a des inconnus, total à peu près. Ouais. On a Cathy Maguire qui rejouera dans Terrifier 1 et 2. On a Mike Gianelli qui joue Art, mais qui sera remplacé dans la suite par David Howard Thornton, pour le meilleur d'ailleurs, je pense. Oui. Je développerai. Donc le premier et le dernier sketch, en fait, c'est des cours qu'il avait réalisés avant. Pour ça, Nine Circle, il avait réalisé en 2006-2007. Et Terrifier, il l'avait réalisé en 2011, il me semble. Ouais, ça doit être ça, oui. Ça, donc la photo, à nouveau, elle est faite par trois gars différents. Il n'y a que George Stubber qui a fait la photo du filler, qui reviendra ensuite pour Terrifier 1 et 2. Ouais, le filler, c'est le fil rouge. Ouais, c'est le la babysitter. Voilà. Léon, en fait, donc il a fait Nice Circle et Terrifier. Ensuite, c'est le producteur Jesse Badgett. Alors, Jesse Badgett, faut savoir, c'est vraiment un producteur de série B. À Z, mais très très très très Z, c'est-à-dire qu'il n'a jamais œuvré dans la série A, sûrement par pudeur, comme dirait François Coe, je pense. Mais c'est-à-dire que si je vous donne de la série B à Z qu'il a fait, il a quand même fait un truc qui s'appelle WrestleManiac, qui a une affiche de porno, il a fait un truc qui s'appelle Charlotte, qui a l'air très très très mauvais, il a fait Day of the Mummy, qui a toute l'affiche, c'est tout un poème avec Danny Glover, il a notamment fait Frankenstein versus The Mummy, qui est un autre film de Damien Léoné qui ne me tente pas du tout. J'avoue, juste l'affiche, c'est tout un poème. Et donc, il a convaincu Damien Léoné de transformer ça en long métrage pour Terrifier. Et pour donc, il a aussi convaincu de faire All the Music. Alors, pour l'anecdote à la con, dans le deuxième sketch, donc là, je vais spoiler, en fait, la dame se retrouve confrontée à un alien. Pourquoi pas l'alien à la base. L'alien qui est magnifique. À la base, ça devait être un animatronique, mais manque de temps, manque de budget. C'est un mec en costume, c'est cool, ça se voit pas du tout. C'est faux. C'est totalement faux. Ensuite, donc, faut savoir que le film a eu une suite en 2015. Donc, il faut une suite. Ouais, il y a eu une suite en 2015. Donc, Oh le Losif 2, on reviendra très, très, très rapidement dessus après. Et il y a eu deux spin-offs, donc Terrifier 1 en 2016, Terrifier 2 en 2022. Et alors, je commence par mon avis éventuellement. Vas-y. Alors, Oh le Losif, déception. Déception. C'est-à-dire, là où dans la sélection, on se retrouve quand même avec deux films à sketch qui sont, dont un fait par le même mec, donc Trick or Treat, qui est pas nouveau, chef-d'œuvre, et l'autre dont je parlerai juste après, qui est plus constant, je trouve que celui-ci a vraiment des défauts assez conséquents. Déjà, il faut commencer par cet univers, il veut que donner un côté crade malsain. Tu le sens vraiment qu'il n'est pas là pour blaguer, c'est-à-dire, autant Terrifier 1, Terrifier 2, tu peux te poser des questions. Là, pas du tout. Mais putain, que c'est cheap! C'est cheap! C'est-à-dire que. L'alien! Je trouve qu'on s'en va, on ressent vraiment le côté indé du film, c'est-à-dire que les décors, les effets spéciaux, quand c'est gore, ça va. Mais l'alien, dans le deuxième sketch, ça passe pas du tout. Non. Et même tous les acteurs sont pas du tout. Ah, mais même Satan dans le premier, hein. Il est pas beau, il est vraiment pas beau. Ensuite, les trois sketchs sont pas du tout au même niveau, c'est-à-dire que le premier ont été tournés, et celui du milieu, juste. Pourquoi? Tu vois, c'est-à-dire que. Là où Nine Circle et Terrifier, en fait, ça surnage un peu par ses effets gore et par le côté un peu glauque qui s'en dégage. Je pense à Nine Circle quand même pour le côté glauque. Oui, parce que t'as ces trois filles qui sont enchaînées dans un couloir et qui vont plus ou moins à demi se faire agresser sexuellement par un espèce de vieux mec bizarre, gros, bizarre, très, très étrange. Mais ça, enfin, je trouve ça prend vraiment pas tant que ça. Et celui du milieu, en fait, il essaie de jouer plus peur psychologique avec. Mais ça fonctionne pas avec son alien et Jiffy. En fait, faut admettre que donc, le premier sketch, il a un côté crapoteux. Tu vois, genre le clown un peu bizarre, la secte de monstres dirigée par Satan. Bon, pourquoi pas. Maintenant, faut admettre, c'est quand même vraiment pas grand chose. C'est-à-dire que ça veut se donner un effet, mais bon, ça va pas. C'est un peu plus loin. En fait, l'avantage du deuxième sketch, je me dis, si je le prends par ordre chronologique, c'est qu'en fait, il répond à la question. C'était et si ce qui manquait à ce film. D'un sketch indé cheap, c'était des extraterrestres réponse non, c'est ça. Et comme dit précédemment, bah, en fait, il propose rien de vraiment convaincant. Le deuxième sketch, ça sert pas grand chose, et même la dernière image, on voit Art, mais c'est pas. Voilà quoi. En fait, Léon sait filmer des effets gore, donner une ambiance glauque, je vais revenir juste après. Mais pas flippante. Mais pour filmer de l'angoisse, ça galère. Hein, ouais. Le deuxième, je trouve un peu chiant surtout. Et il patauge dans ta vie, hein, c'est... Ça, et comme tu dirais, tu vois, même la fin qui se veut un peu twist, avec le fait, donc la dame a des portraits chez elle. Son mari est peintre. Ouais, son mari est peintre, et à la fin, elle enlève un drap de devant un portrait, et ça révèle donc, le portrait de Art. Donc ça se veut un peu twist, mais je trouve, bah, en fait, ça tombe, comme tu dirais, comme une crotte de pigeon sur un kebab pas ultra frais. Ouais, c'est... Putain. C'est pas là, t'avais pas envie que ce soit là, mais bon, c'est pas utile, quoi. Et enfin, sur Terrifier, bon, Terrifier, il a le mérite de nous présenter le personnage de Art, je pense qu'on va y revenir après, en long, en large, qui est vraiment, je trouve, hallucinant. Ça, en termes de potentiel d'iconisation, en termes de potentiel d'horreur. Il y avait une phrase de journaliste qui ressortait quand Terrifier 1 est sorti, c'était « Makes Pennywise look like Krusty ». Ouais, c'est ça en fait. Mais ça mis à part, je trouve qu'en dehors de ses effets gore et de son personnage méchant, le dernier sketch n'a pas grand-chose à proposer. Et par ailleurs, je fais le même reproche à Terrifier. Hein. C'est exactement la même chose. Après, donc, tu vois, le troisième sketch, je veux dire que c'est une bande-annonce pour Terrifier 1, au final. Ouais. Et le filler, c'est super classique, il n'y a rien qui surnage. Après, il y a des enfants qui se font massacrer, c'est toujours cool. Maintenant, on peut se Halloween 3. Mais c'est ça. Pardon. Maintenant, on peut se dire pourquoi j'ai choisi ça. Bah, c'est surtout pour parler de la carrière de Damien Léoné. Donc, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, il fait Ole Loz Yves. Ole Loz Yves, voilà, ça fonctionne, ça le met sur le devant de la scène, sans plus. Ensuite, il fait Terrifier 1. Terrifier 1, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Keno, Terrifier 1, qui est plutôt un slasher dans les clous, qui suit Art, donc Art le clown, qui va massacrer des jeunes filles le soir. C'est pas le soir d'Halloween, je crois. Le 2, c'est le soir d'Halloween. Le 1, je suis pas sûr. Ouais, j'ai un gros doute. Mais donc, ouais, bah déjà, Lolozive, dans un premier temps. Ouais, bah comme t'as dit, je trouve ça vachement cheap. Ça se ressent quand même. Ouais, c'est-à-dire que. Il y a des prémices de quelque chose de bien. Oui, et surtout le troisième segment, Terrifier, il arrive à être quand même assez gore. Mais. Assez énervé, ouais. Ouais, mais après, c'était un segment déjà préexistant. Hein. Ah, donc ça triche à moitié. Ouais, mais après, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est cheap, mais on sent que le bonhomme a des bonnes références, qu'il a un univers à lui, à nouveau avec son clown, qui veut faire quelque chose de concret, et on voit qu'il tient à son clown, parce qu'il le met dans son tout premier sketch, Nine Circle, il le met dans son deuxième, et il le met dans son fil rouge. Il le met dans son fil rouge. C'est lui qui bute les gosses à la fin. Ouais, d'ailleurs, dans une scène qui me fait beaucoup rire. Donc le personnage de Art, je pense qu'on en parlera au moment de Terrifier 2, je te propose en focus sur lui, Terrifier 2. Mais tu vois, et le deuxième sketch qui est le pire, je pense qu'on est clairement d'accord, bah, il a été fait juste pour que ce soit un long en fait. Il a été mis au chausse-pied. Bah, voilà. C'est ça. Là, c'est pas au chausse-pied, c'est au forceps. Au forceps, mais il avait quand même bonne intention parce qu'il le fait en voulant faire un animatronique. Donc tu vois, ça reste à nouveau avec une bonne intention de faire quelque chose de propre, de bien. Bref. Et après Terrifier, en fait, j'avais découvert il y a quelques mois Lolozive et Terrifier dans la foulée, vraiment genre. Je sais plus si c'était à la suite ou un jour et le deuxième le lendemain. Dans Terrifier, c'est quand même mieux que Ole Loz Yves, je trouve. Oui, ça reste mieux. Et surtout, il y a des putains d'effets gore qui sont magnifiques. Tu penses, souvent, tu vas penser à la scène, on va dire, de la blonde. Bon, allez, on va la spoil comme des bâtards. Les pieds. Imaginez, vous prenez un personnage, twist à 180 degrés, comme une clepsyde de Fort Boyard. Hop là, tu la retournes. C'est ça. Tu l'accroches en haut. Voilà, tu prends une scie. Par les pieds, les jambes écartées, elle est à poil. À la poil, tu prends une scie et tu tranches dans l'axe. Voilà. Et tu la baïonnes pas, t'entends ces hurlements, c'est ignoble. Mais. Et tu vois, je vais te laisser en parler. Art. Art, c'est une figure qui est devenue mythique en très peu de temps. Pour moi, c'est. Je balance comme un bâtard. Hein. Mais pour moi, c'est la meilleure figure d'horreur qu'on a eue depuis 2000. J'ai pas eu mieux. Même Jigsaw, des trucs comme ça. Victor Crowley. Pour moi, on a pas eu mieux. Bah, Sam, c'est pas pareil, mais pour moi, en termes d'icône slasher, vraiment. Oui, de slasher, oui. On n'a pas eu mieux depuis. Depuis Freddy, en fait. Freddy, Michael Myers, c'est les grands. Pour moi, Art, c'est la relève. Même Ghostface, tu le comptes pas là-dedans. Bah, pour moi, Ghostface, on va dire, il me fait pas peur. Là où Art, il me met vraiment mal à l'aise. Parce que Art, bah, je pense que tu décriras comment il est, comment il agit, mais je sais jamais si je dois rire ou si je dois être tétanisé par lui. Là où Ghostface, étant donné que c'est un humain et un pur humain, tu vois, il se casse la gueule, des trucs comme ça, bah, il me fait plus rire que flipper, alors que Art, vas-y, je te... Qui est Art et surtout, comment agit Art? Alors, Art, c'est simple, c'est un... On sait pas vraiment si c'est un mec déguisé en clown, si c'est une entité démoniaque, parce qu'il est imputable. Le 2 floute des trucs sur ce point-là. C'est ça, le 2 rend la limite assez floue, parce que dans le 2, tu le vois carrément laver sa tenue dans un lavomatique. Mais globalement, donc, qui est Art? C'est donc un clown, quelque chose qui a une apparence de clown. Sachant que dans le 1, Terry Fire 1, on peut se dire c'est un humain, mais le 2, on fera un focus dessus. Il vient contredire à peu près totalement ce truc, en fait. C'est ça, oui. C'est-à-dire que, en gros, c'est un clown. Enfin, quelque chose qui a une apparence de clown. De clown triste, c'est des clowns blancs, là. C'est ça, totalement noir et blanc. Enfin, blanc avec des parties noires, genre le contour de la bouche, des trucs comme ça. Ouais. Et qui, surtout, ne dit rien. Ne fait aucun bruit. Mais il imite beaucoup. C'est ça. Il mime. Voilà, il mime, beaucoup. Pardon. Il mime beaucoup. Façon le mime morceau, Marceau. Ouais. Mais avec lui, c'est plutôt le mime morceau. Sauf qu'il applaudit, il peut faire du bruit en applaudissant. On le voit dans le 2, il fait du bruit comme ça. Mais il va jamais rien dire. C'est-à-dire, par un moment dans le 2, un enfant, un gamin très jeune, se fait fouetter avec un fouet, avec des lames, ouais, par lui, par terre, en hurlant. Bah, le 2, il est éprouvant quand même. Ouais. Ça. Et on voit Art, en fait, mimer un gamin qui pleure, quoi. Et c'est ces mimes complètement abusés, où en fait parfois on le voit rire, mais visiblement rire aux éclats, mais sans aucun bruit, qui fait qu'il pose justement pour moi dans la zone parfaite entre, en même temps il me terrifie, parce que vraiment il est dégueulasse, hein. Enfin, je pense que tu décriras à peu près sa façon opératoire après. Ouais. Mais en même temps, je trouve vraiment super drôle, et pour moi, le art du segment Terrifier, du clip de All Hallows Eve, n'est pas incroyable, alors que le art des films Terrifier 1 et 2, je trouve fabuleux. Il est formidable. C'est ça qui pour moi le met au panthéon. Il a des kills mais de ouf, et même Terrifier 1, au moment où arrivent les flics, il se suicide. Bah, de toute façon, c'est le début de Terrifier 2. Ouais. Mais au moment où arrivent les flics, il se suicide, il est donc envoyé à la morgue et se réveille à la morgue. Alors, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qu'il faisait avant de se suicider dans le 1? Eh ben, il était en train d'essayer de buter une meuf. Non. Il était en train de la bouffer. Il était totalement en train de la graille. Il était genre miam miam miam. Et tu vois la tête de la meuf plus tard dans le film, qui est en bon état. Hein. Ah mais oui, putain, c'est vrai, c'est il elle. Il était en train de la graille. C'est elle, putain, je suis con. Oui, c'est elle. Et donc, alors, à l'heure où on parle, le 2 est sorti aux États-Unis il y a quelques semaines, mais nous, on l'a. Il est sorti. Alors, on a pu y avoir accès, on va dire. De manière. Autre. De manière autre, voilà. Que depuis quelques jours. C'est-à-dire que le film est sorti. Ah oui, si vous voulez vous le procurer, le film est sorti en Blu-ray. En Grande-Bretagne, lundi, donc lundi 24. Ouais, en coffret avec le 1 et le 2. Alors, il est sorti soit tout seul, soit en coffret avec le 1 et le 2. Et à l'heure où on vous parle, c'était il y a seulement quelques heures, que ESC et Shadows, qui ESC, donc grand éditeur français, Shadows, grande, magnifique plateforme française. Allez aux gens, c'est un cadeau de Shadows. Voilà, faites tout, suivez Shadows. Voyez Deadstream quand il sort. Deadstream, on a été à la séance en salle. Attends, il est dans les petites cartes de fin. Vas-y. Et on annonçait qu'ils allaient sortir Terrifier 2 en salle le 28 décembre. Allez-y. Alors, allez-y en ayant l'estomac très accroché. Ça, le bidon fonte, quoi, mais ouais. Mais c'est... Bah, on va sur Terrifier 2. On va sur Terrifier 2. Je démarre. C'est un chef-d'œuvre. Oui. Je trouvais que c'était un chef-d'œuvre. Je trouvais que c'était fabuleux. C'est. En fait, une des raisons pour lesquelles j'aime le cinéma d'horreur, c'est vraiment être secoué. C'est vraiment être sorti de ma zone de confort. Et j'avoue que, je pense qu'on est d'accord là-dessus, on est totalement d'accord. Le terme Elevated Horror. Alors, j'ai rien contre les films. Oui. À nouveau, Hérédité, Midsommar, Baf, les. Oui, je pense que les réels eux-mêmes n'ont pas ce terme. Voilà. À part Robert Eggers. Ouais, Robert Eggers, c'est compliqué. Mais le terme Elevated Horror, je lui pisse dessus, je déteste ce terme, mais, enfin, je pense qu'on est d'accord sur le terme, oui, totalement, c'est rejeté, voilà. Mais une des raisons pour lesquelles j'aime, c'est vraiment être choqué. C'est pour ça que j'avais aimé The Sadness, parce qu'il y avait un côté vraiment choc que j'avais pas vu depuis longtemps. Aparté, The Sadness sort le 11 novembre, il était chez ESC en édition collector, oui. En partant avec Shadows, parce que si vous l'achetez, vous gagnez un mois de Shadows gratuit. Allez-y. C'est vraiment banger. Et Terrifier 2, il y avait déjà eu des retours des États-Unis comme quoi des personnes... s'évanouissait ou vomissait dans les salles. Oh la vache! C'est-à-dire, déjà, si vous passez la scène d'intro de Terrifier 2, bah, ça donne la direction. Tout le film va être comme ça. C'est-à-dire que si jamais il y a un meurtre, il sera forcément ignoble. Je pense à une scène en particulier qui est extrêmement éprouvante, mais qui, en fait, en même temps, le film va jamais tomber dans le... Je pense que le film n'est jamais premier degré, parce qu'il y a toujours le personnage de Hart, qui, lui, est toujours... me fait toujours rire. Après, il faut avoir un humour très noir. Oui, c'est ça. Mais le personnage de Hart, en même temps, a toujours une espèce de dose de légèreté très étrange. Très étrange qui me permet de désamorcer ces scènes. Et je pense notamment à une scène où une jeune fille, qui a 20 ans, va se faire défoncer par Hart. Mais vraiment, elle va se faire arracher le bras, arracher la moitié de la gueule. Son bras va être déchiré en deux. Elle va se faire complètement charcuter. Il va aller chercher du sel et du liquide, du produit ménager. Ah oui ! Lui mettre sur le corps. Lui, il est mort de rire. Plus tard. Mort de rire muet, évidemment. Plus tard, oui, exactement. Vraiment, c'est très étrange à voir. Plus tard, la mère de ce personnage, donc la fille, arrive à la maison, entre dans la chambre de sa fille et voit sa fille déchirée, mais vraiment, mais pas dans le sens alcoolisme, dans le sens physique. Non, dans le sens feuille de papier. Voilà. En train de se faire bouffée par Hart, et elle est toujours vivante. On est proche de la catégorie 3 en termes de violence et d'immoralité, vraiment, c'est... Mais à côté, Terrifier 2, en fait, pour l'anecdote, ce qui a été reproché au 1, c'est son manque d'écriture. Oui, d'ailleurs, ça reste assez basique. C'est plus que basique, hein, oui. C'est pas terrible. Ouais. Et là, pour le coup, on a des personnages, ce qui donne un côté encore plus horrible aux scènes de mort. Alors, il faut savoir, il fait plus de 2h, il dure 2h20. Ouais, il y a 2h18. Ouais. Mais on les sent pas passer. Moi, en tout cas, ça m'a pas dérangé. Moi non plus, du tout. Et pour le coup, c'est-à-dire que il y a de l'écriture, il y a un univers qui commence à se mettre en place avec la Little Hart, la petite fille. On n'en sait pas trop. L'actrice a genre 12 ans. On n'en sait pas trop sur elle, mais elle est ultra creepy. Oui. Il faut imaginer Hart en petit et en fille. Et c'est très dérangeant. À nouveau, l'antagoniste de Hart, qui devient un peu sa Laurie Strode. Qui est le personnage de l'ange, là. Oui. Bref, c'est... Enfin, je te laisse donner ton avis sur Terrifier 2, et je vais te laisser notamment donner des détails sur la scène d'intro. Qu'est-ce que la scène d'intro ? Et pourquoi la scène d'intro pose le ton du film ? Parce que vraiment, c'est... Pour moi, c'est un des très très gros moments d'horreur de cette fin d'année 2022. Alors donc, Terrifier 2, c'est une bombe. C'est pas une bombe. C'est la bombe, parce que c'est Fat Man sur Nagasaki. Parce c'est que autant The Sadness, on en avait déjà entendu parler, tu vois. The Terrifier 2. Puis The Sadness, moi j'avais vu déjà en festival avant qu'il sorte en France. Voilà, Terrifier 2, c'est quasiment indé. Je sais qu'il y a Bloody Disgusting derrière, mais c'est un projet un peu indé. Oui. On n'attend trop rien. Et un petit truc qui me fait rire, je pensais juste à l'instant. Il référence Halloween de Carpenter dans son titre, parce que c'est Damien Léonèse, Terrifier 2. Mais c'est à peu près l'antipode d'Halloween dans son approche de l'horreur. Quoi. C'est ça, et on n'attendait rien. Et tu sais, on entend les premiers retours aux États-Unis, tu fais, bon, les Américains sont faibles, tu vois le film, ok. Ils sont pas si faibles que ça. Et pour l'anecdote, justement, faut savoir que j'ai vu le film dans une pause entre deux cours. Donc, faut imaginer que j'étais au foyer de mon école, je me lance le film, et c'est devant les scènes un peu joviales, on va dire, du film que je me suis fait regarder un peu bizarrement, quand même. Même en période d'Halloween, c'était peut-être un peu trop pour eux, on va dire. Alors, du coup, on est en train là de. On a les images de la scène d'intro sous les yeux. Scène d'intro, voilà. Donc, Hart s'est fait crever l'œil à la fin du premier film. Oui. Je pense qu'il s'est lui crevé l'œil en suicidant. Oui, non, mais non, parce qu'il se tire dans la bouche et d'ailleurs il a un trou à l'arrière de la tête au début. Ouais. Non, il s'est sûrement fait arracher. Je sais plus comment il s'est fait arracher l'œil. Bref, Hart a perdu un œil. Hart a perdu un œil. Il arrache l'œil du coroner, du médecin légiste. Voilà. Et il se le greffe. Non, mais il se le met. Il rigole. C'est ouais. Il éclate la gueule du médecin légiste avec un marteau. Enfin bref, c'est voilà. On a les images. C'est très très drôle à imaginer, mais en même temps c'est ultra perturbant. Si vous entendez pas de bruit, c'est pas qu'il y a pas de son, c'est juste que Hart ne fait aucun bruit. Mais c'est totalement. Bah, j'ai coupé le son là. Oui, mais c'est totalement répugnant aussi. Voilà. C'est... Et bien sûr après ça, du coup, il va laver sa tenue dans un automatique. Avec un clodo qui est là, et il le bute. Il le bute en lui plantant. C'est le seul qui leur chante du film. Oui. Le seul. C'est tous les autres bien frontales. C'est ça. Et pour l'anecdote d'ailleurs, Damien Léoné a prévu un Terrifier 3. Oh. A même annoncé qu'il pourrait y avoir un Terrifier 4. Et a potentiellement annoncé, et ça par contre, ça m'emmerde un peu, un truc sur les origines de Hart. Non, il faut pas. Je suis pas fan des trucs d'origine parce que ça explique et je déteste quand ça explique les choses. Et pourtant, j'aime Halloween 2 de Rob Zombie. Voilà. Non, non, bah, ça dépend. C'est-à-dire que quand Tim Burton explique les origines du Joker, là, d'accord. Oui, mais c'est Tim Burton en même temps. C'est Tim Burton de la grande époque, tu vois. C'est voilà. Tim Burton. Mais même quand Killing Joke le fait. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Mais Art, non. Art, c'est un perso qui repose sur le mystère. Enfin, je veux dire. On va pas dire, en fait, c'était un clown un peu, non, fauché qui a fait un pacte avec un satin. Non, faut pas. Satin qui est le satin du premier segment de... Cringe. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, Terrifier 2, c'est un grand moment d'or. C'est, ouais. C'est un sommet qui sort en salle le 28 décembre. Honnêtement, je pense que ça va pas marcher. Ça va pas marcher. En France, jamais ça a marché. Déjà, je pense, moins de 16 avec avertissement, hein. Ouais, ça m'étonnerait même pas qu'il se tape à moins de 18 ans. Parce que, non, Martyr, il est moins de 16 avec avertissement. Mais là, pour le coup, mec, c'est tellement hardcore que... Ouais, mais on n'est pas au niveau de dérangement de Martyr, quand même. Ah, quand même, hein, la scène de la gamine Et t'as quand même un gamin, genre un nouveau de 10-11 ans, qui se fait fouetter avec un truc avec des lames au bout. Ouais, il y a des ciseaux, comme ça, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Chaîne, ouais. Et surtout, à nouveau, Art, il crée une distance avec le film qui, moi, me fait rire, mais je peux comprendre que des gens soient vraiment mis mal à l'aise par lui, quoi. Donc vraiment, allez voir Terrifier 2. Et pour le coup... Tout ce qu'on vous dit sur le film, justifié. C'est pas surfait, c'est pas trop dit. Non, non. C'est vrai. Si des gens vomissent, c'est compréhensible. Voilà, mais voilà. Pour ça que All Hallows Eve, pour moi, c'est un peu un film prétexte pour détailler sur Damien Léonet, que je considère personnellement comme un futur Master of Horror. Hein. C'est dans la scène moderne, c'est un quasiment un auteur, bon, sans aller jusque-là, mais quelqu'un qui compte, en tout cas. Oui, oui. Ah, mais sur qui il va falloir compter. En plus, c'est un jeune qui, visiblement, est très énervé. J'espère qu'il va rester énervé dans la suite. Ouais. Mais voilà, c'est All Hallows Eve, pas fou. Terrifier 1, sympa. Terrifier 2, banger. Bah voilà. Tu vois, c'est un peu le SSJ3 de All Hallows Eve. Tu vois, c'est il évolue. Donc voilà, on a terminé sur All Hallows Eve. Tu as rajouté quelque chose éventuellement sur Terrifier 2 ou quelque chose? Allez le voir quand ça sort. Ouais, 28 décembre, mais pour le coup, foncez, je pense pas qu'il restera très longtemps. Je pense que ça m'étonnerait même pas d'ailleurs qu'il ait un circuit de salle très fermé. Tu vois, ouais, je pense qu'il va sortir dans quelques salles parisiennes et dans une ou deux salles dans les grandes villes. Ouais, mais c'est vrai. Parce que vraiment, à nouveau, on parle quand même d'un truc. Ce sera forcément moins de 16 avertissements, voire moins de 18, parce que t'as vraiment des trucs. Vraiment. Difficilement défendables. Ouais. Ouais, c'est très très très méchant. Et voilà, après, allez-y, estomac en béton. On vous garantit quelque chose si vous passerez un moment dont vous vous rappellerez. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas besoin de voir le 1 pour voir le 2. C'est préférable, mais le 2 se comprend très bien en stand-alone. Oui. Voilà. Donc, si on passe à la suite, alors on va rester dans les films à sketch. Ouais. Et on va aller sur Tales of Halloween. On en fait 3 à la suite, là, les films à sketch. Oui. Tales of Halloween. Alors, Tales of Halloween sorti en 2015. Alors, il faut savoir qu'il a été. C'est un projet qui est monté par Axel Caroline. Alors, Axel Caroline, c'est une réalisatrice qui avait bossé sur Hunting of Bly Manor, qui après avait fait des trucs que j'ai pas vu. Il faut que je voie les séries de Mike Flanagan. Oui, surtout Midnight Mass d'ailleurs. Alors, donc, Tales of Halloween, donc il y a plusieurs réels derrière. Donc, dans le désordre, on a Darren Lynn Boozman, qu'on connaît pour la saga Saw. Oui. Mais qui a fait des bien meilleurs trucs à côté. On a Lucky McKee, que moi j'ai un réalisateur que j'aime énormément, qui a fait May, The Woman et The Woods. Très bon film de sorcière. J'en ai vu aucun des trois. Qui est un très très bon réalisateur. On a Neil Marshall, donc The Descent, et surtout Dog Soldiers. Très bon film. C'est vrai, c'est cool Dog Soldiers, j'aime quand même largement The Descent. J'adore Dog Soldiers, je préfère The Descent aussi, mais Dog Soldiers est bien trop méconnu. Après, je me le suis fait genre. Je sais plus si c'était juste avant ou juste après Ginger Snaps. Ah, ça a dû faire bizarre ça. Ouais, bah je me rappelle, j'étais à Cannes à ce moment-là pour le festival. Ouais. Et ouais, c'est deux approches opposées pour le loup-garou. C'est ça, totalement. Après, on a plusieurs réalisateurs, on a Ryan Schifrin, John Skip, Dave Parker, qui a notamment réalisé The Hills Run Red, que j'ai pas encore vu, mais qui je sais, ah, c'est gros fan. Ouais, je vois l'affiche, ouais. Voilà. Mike Mendez, Adam Guerrache, qui a réalisé Autopsy, d'ailleurs, qui est un très bon film. Ok, je l'ai pas vu. Andrew Cash, Paul Soleil, Axel Caroline, comme j'ai dit. Chaque réalisateur a écrit son sketch, le film a été monté en 2015. En fait, Axel Caroline a proposé à deux réals, alors vraiment, c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'elle a proposé à deux réals à une fête d'anniversaire, qui eux-mêmes ont proposé à des potes, bref. On dirait les Rapportenders, tu sais, t'as Stoner qui, non, je sais plus qui propose à Alpha One, et Alpha One qui propose à tout l'entourage. Voilà, c'est ça. Et en fait, à la base, ça devait pas être Lucky McKee dedans, ça devait être Joe Bagos, qui a notamment réalisé Bliss, que j'ai pas vu, mais par contre, j'ai vu VFW. VFW, qui est cool aussi, ouais. Donc, finalement, on a eu Lucky McKee. Alors, pour le coup, Tales of Halloween, c'est le film à sketch, mais dans la plus pure tradition du film à sketch. Hein. C'est-à-dire que c'est juste plusieurs segments à la suite, C'est ça. sans lien entre eux. Il y en a 11, donc. C'est beaucoup, 11. Oui. Pour faire un rapide résumé de chacun d'eux, donc on démarre par Sweet Tooth, qui est l'histoire d'un enfant qui va entendre une légende sur un tueur en série à qui il faut laisser des bonbons si on veut pas qu'il t'attrape. Et voilà, je pense que la suite du sketch s'écrit toute seule. The Night Billy Raised Hell, Ah c'est oui. l'histoire d'un enfant qui a toujours 2 enfants, qui va rencontrer un étrange personnage C'est marrant, qui mais va l'emmener en balade pour semer le désordre. C'est marrant, mais les segments du message pour Halloween, c'est un peu comme. C'est l'inverse de Perceval. C'est-à-dire que lui, il aime les vieux, et Ah Je sais pas, les vieux, c'est mystérieux, c'est flippant quand ils arrivent comme ça. Les enfants, c'est pareil. Ensuite, on a Trick. Trick, donc, qui est un groupe de babysitters qui va se faire bizarrement attaquer par un groupe d'enfants. On a ensuite Grinning Ghost, qui est une femme d'une quarantaine d'années qui va chez sa mère pour Halloween. Sa mère lui raconte l'histoire d'un mystérieux fantôme qui te suit la nuit d'Halloween et qu'il ne faut surtout pas se retourner pour regarder ce fantôme. Mère qui est d'ailleurs joué par Lin Chahi. Par Lin Chahi, qui joue dans Insidious et qui Insidious a un tout petit rôle dans Freddy. dans Freddy Parce que et dans le. Extrême Préjudice de Walter Hill. Elle apparaît une Et ben, seconde. mais tu sais pourquoi elle joue dans Freddy? Vas-y. Parce que le producteur de la série, c'est Bob Chahi, enfin Bob Robert Chahi, Chahi, c'est sa qui est son mère. mari. Ah, bah écoute, je ne sais pas. Ding Dong, ensuite, qui est l'histoire d'un couple dont la femme ne peut pas avoir d'enfant. Donc il y a donc le segment de Lucky McKee. De Lucky McKee, ça doit rester très vague. This Means War, qui est le pire de Ouais, tous, de la guerre qui entre deux est voisins là. un mec où en face de lui s'installent des métalleux, donc des méchants. Je déteste ce rapport. Métalleux moi-même, je déteste ces raccourcis. Pas métalleux moi-même, je m'en tartine de jeu avec une brosse de Mais c'est nul, le Mais segment est c'est nul. mauvais. Bref, une bagarre entre voisins qui tourne mal. Ensuite, The Ransom of Rusty Rex, qui raconte l'histoire de kidnappeur qui va kidnapper l'enfant d'un quelqu'un très riche, mais ça se passe pas comme prévu. Il est cool, tu vois. Ensuite, Bat Seed, qui va raconter l'histoire d'une citrouille tueuse, et c'est pas une blague. Et c'est le segment De Neil de Neil Marshall. Marshall. Alors, j'avoue, j'avais pas vu le film, j'avais pas du tout vu le film. Je le prépare aussi pour la 7e dimension pour l'épisode de Neil Marshall. Et, très jolie surprise perso, le grand nombre de sketchs fait en fait qu'ils sont absolument pas tous au niveau, mais il y a vraiment des très très très jolies prépositions. Et à côté de ça, tous les sketchs ont en Bourman, plus. il a fait lequel déjà? Je sais plus, il me semble qu'il a fait The Night Billy Raised Hell. Il me semble Ok. qu'il a fait le deuxième. Ah, il est cool celui-là. Voilà. En fait, ajouter à ça, en fait, qu'à chaque sketch, il y a quand même une belle dose de gore festif, quelques idées bien barges et des caméos super cool, notamment John Landis par exemple. Dans lequel? Il me semble que c'est lui dans Ransom of Rusty Rex, le père de. Dans Asterix? Ouais, non, le père du gamin. Ouais, ça, C'est peut-être. Johnny, ou peut-être que c'est Joe Dante. Il me semble que c'est Je vais Joe Dante. regarder. À vérifier. Voilà. Et pour moi, c'est le typique bon film de deuxième partie de soirée Halloween. C'est-à-dire que dans les sketchs, donc si jamais je me permets de détailler un petit peu. Entre le classique et Voilà, le gros bourrin, tu tu mets vois, celui-là. entre Trick or Treat et Terrifier 2, bah, tu te fais Tales of Halloween, tout simplement. Et par exemple, si je détaille chaque sketch, alors par exemple, Sweet Tooth, il y a vraiment un C'est côté sale ça, Big esprit. Man, c'est The Night Billy Raised Hell. Voilà. Sweet Tooth, t'as vraiment un côté sale esprit. Avec. Finalement, il raconte pas grand-chose, mais offre quand même une belle entrée en matière en posant les bases du gore, de l'humour bien douteux et des citrouilles, finalement. Parce que aussi, je trouve que le film a vraiment un super esprit d'Halloween. C'est bien. Alors attends, On vérifie à ce je moment-là recherche, même. mais dans le segment Grim Grinning Ghost, on a quand même Liza Mary qui est l'ex de Tim Burton, Oui. et on a Stuart Stuart Gordon Gordon, et Mick ouais. Garris. Oui. Mick Garris qui fait le fantôme. Voilà. Et attends. Et à ce moment même, pour le Ransom of Rusty Rex, tu peux descendre, c'est vraiment le tout dernier. Enfin, l'avant-dernier, du coup. Ouais, Friday the 30th, On a 30th. Adam Green qui joue dans This Means War et Bad Seed. Voilà Adam Green. Ouais, réalisateur de Butcher, de Frozen aussi, d'ailleurs. Ah oui, j'avais aussi. Mais en sketch, on a aussi John Landis dans. Ransom of Rusty Rex. Ouais, c'est ça. Qui joue Voilà. donc Jebediah Rex. Ouais, le père. Et en sketch, on a aussi Friday the 31st, qui est la rencontre entre Alien et Vendredi 13. Ça, si je vois tu détailles, donc The Night Billy Raised Hell, Pour moi, j'avoue, il s'oublie un peu vite quand même. Et Dante dans Bathsheba. Comment? Dante dans Bathsheba. Dante dans Bathsheba, voilà. C'est le scientifique. Et en fait, je trouve que tu vois, le segment Billy Knight, Billy Ray Style, moi, il me fait beaucoup rire. Il a oui. vraiment un côté sale esprit, mais qui est quand même super drôle. Oh, c'est trop cool. Et quand même une énième preuve que Boozman fait 100 fois mieux en dehors de Saw, lorsqu'il est dans Saw. D'ailleurs, on a annoncé Saw 10 et on a annoncé que... Le retour de Tobin Bell, j'en peux plus. Il est mort depuis 7 films, putain, arrêtez. Depuis 7 films, mais surtout, il l'a prévu depuis 5. Hein. Genre, le 4, 5, 6, 7, tout est prévu par lui. Hein. C'est un fou furieux. Ensuite, Trick, avec les babysitters. Je te propose, pour le coup, sur celui-là, je trouve qu'on spoil vraiment aucun sketch. Parce que vraiment, okay. faut... Il y en a beaucoup, donc ils peuvent se découvrir. J'ai adoré le sketch des babysitters. Oui. Attends, toi, t'avais pensé quoi du sketch, du coup, Sweet Tooth, le tout premier. Sweet Tooth, C'est pas le meilleur, mais il est tranquille. En fait, je me rappelais avoir commencé Tales of Halloween il y a des années, et en le revoyant, je fais, putain, c'est vrai que ce sketch, je m'en rappelais. Et je me rappelais aussi de Nine Billy Raised Hell. Ouais. Et alors vraiment, il est dégueulasse Sweet Tooth. Il y a des effets gore vraiment. Ah ouais, les effets gore. Alors les effets gore qui sont pas toujours super convaincants. Bah quand c'est du prosthétique, ça va. Hein. Mais genre le plan de fin quand les parents rentrent et qu'ils tombent sur les deux babysitters. Moi j'avoue que je rigolais suffisamment pour me, tu sais, juste devant l'enfant, je suis en mode ah. ça me fait là. Du coup t'as aimé quand même au global. Oui, non, Sweet Tooth, oui. Tout ça agréable. Ensuite The Night Billy Raised Hell. C'est trop cool, c'est trop drôle. Ouais, c'est pas mon préféré, et j'avoue, il est quand même bien... En fait, le twist de fin est suffisamment vicelard pour que quand tu le vois, tu fasses « Ah ouais, ouais. Ok, bien joué. » Mais surtout, est-ce que sa mère a toujours a remis son costume de... J'espère. C'était costume de quoi, déjà? C'est pas un costume de sorcière ou de fantôme, tu vois, pas comme ça? Ah, je sais plus. Bah, en tout cas, bref, vous découvrirez par vous-même. Ensuite, en troisième, donc, Trick, les babysitters psychopathes, et celui-là, on ne spoil rien. Juste pour dire que c'est celui avec, pour moi, le plus gros retournement. Oui. Et c'est vraiment un retournement de vie sûr. C'est pas des babysitters, ils gardent pas d'enfants. Si, ils gardent des enfants. Ils disent genre, ouais, on garde des enfants. Après, justement, ils s'en servent pour le retournement. Oui, oui. C'est un croisement entre Terreur sur la ligne et Les Révoltés de l'an 2000. Avec un peu de Hill. Ouais, léger. Dans les concepts, c'est plutôt Révoltés de l'an 2000 et Terreur sur la ligne. Les babysitters harcelés, les enfants tueurs. Voilà. On reste très vague. Celui-là, t'en as pensé quoi, le Trick? Trick, alors très bon plot twist. Ouais. Ouais. Très bons effets gore. Très bons effets gore et ouais, même juste, bah, les mises à mort sont. C'est du caviar au chocolat. C'est. Perso, je pense que c'est mon préféré. Enfin, c'est peut-être avec celui de Luigi Mackie. Ah! Luigi Mackie, je t'avoue que. En fait, on voit vraiment sa patte. Enfin, on va y revenir quand on sera dessus. Mais... Il m'en touche un peu une sans faire bouger l'autre. Ok. Ensuite, on a Grim Grinning Ghost. Alors, c'est pas le plus intéressant, mais je trouve que c'est celui qui est le mieux mis en scène. Ouais, je le trouve assez osé, celui-là. Bah, en fait, je trouve qu'il y a une photo très belle, et notamment la scène où elle rentre chez elle, et t'as sa barrière autour de son entrée. Genre, elle a un petit chemin pour rentrer chez elle, et tu vois deux mains de fantômes arriver sur le côté. Mmh. C'est une image, faut l'avoir vue, mais elle est vraiment assez cool. Et je trouve que c'est pas le plus intéressant. C'est pas non plus le pire, c'est. Le pire, c'est le Smith Noir, pour moi, vraiment. Ouais. Et c'est pour moi le mieux mis en scène, et le plus beau, en tout cas, le plus beau visuellement. C'est vrai qu'il a un truc. Et voilà. C'est toujours cool de voir Lin J. Voilà. Ensuite, Ding Dong. Alors, j'adore le Kimaki, on retrouve totalement sa patte. Le monstre de Ding Dong, il est creepy as fuck. Non, moi, j'étais mal à l'aise devant lui. Enfin, moi, elle, du coup, oui. Me dérange vraiment. Et la fin, je la trouve complètement barge. Oui. Après, en fait, ce que j'aime dans ce segment, c'est qu'il y a vraiment une ambiance très malsaine. Très, très dérangeante, dans le sens où tu sais pas où il va. Tu t'arrives pas à comprendre, tu sais pas trop ce que les personnages veulent. Mais pas parce que c'est mal fait, plus parce que... Il y a un travail dans le mystère. C'est beaucoup de non-dits. Et après, je peux comprendre que ça laisse un peu indifférent. Mais moi, entre le design du monstre qui vraiment me met mal à l'aise et ça, t'as vraiment quelque chose qui est dérangeant. Ouais, non, c'est vrai, le segment de Lucky Maki est quand même assez. Joue beaucoup sur le suspense et non, il est bien. Bien retors. Oui, c'est ça. Non, j'avais oublié un segment juste avant, c'est le segment de l'enfant qui va invoquer un monstre. C'est l'enfant qui va se faire poursuivre par les punks et qui va invoquer un démon. Oui! Voilà. Qui est assez anecdotique, mais sympa. Ouais. Il y a un monstre cool. Voilà. Puis après, c'est, pour le coup, lui, il est vraiment accessoire. Oui, non, il est très, très ça. Ensuite, This Means War. Moi, juste noté, va te faire foutre. déjà, il est même pas fantastique. Il est même pas fantastique. Bah, si, t'as le squelette qui bouge. T'as le squelette qui bouge. Mais bah, honnêtement, pour moi, This Means War, c'est juste va te faire enculer, quoi. Toi, t'en as pensé quoi de This Means War? Ouais, bah, This Means War, ouais, c'est très C'est oubliable. le pire. Pour moi, c'est le pire. Ouais, c'est voisin contre voisin avec Danny DeVito C'est et ouais. Matthew Broderick. Nos pires voisins version cheap, quoi. C'est ça. Ça. Ransom of Rusty Rex. Ah non, Friday the 31st, d'abord. Pour le coup, il y a un mini alien qui arrête pas de répéter Trick or Treat, qui est trop mignon, oui, avec des qui tourne trop choupi. La fin, elle est ultra gore et c'est super drôle. Pour le coup, sincèrement, purement comique. C'est très très drôle, très très gore. Un petit bonbon, finalement, c'est à l'image du film. C'est y a pas, y a... ça manque un peu de fond, mais c'est tellement généreux et Oui, tellement non, c'est. drôle. Puis ça m'a rappelé, tu sais, dans le côté, on a un gros monstre bourrin et un peu de mignon, ça m'a rappelé Something Doesn't Feel Right. Oui, voilà, c'est totalement le segment court-métrage qui est dispo sur Shadows. Ouais. C'est totalement ça. Et pour le coup, et le mini alien qui répète Trick or Treat, j'avoue, je l'ai vu, j'ai juste fait oh, il est trop mignon! Et ensuite, tu vois ce qu'il fait, il fait ah, il est moins mignon. Oui. Ça. Ensuite, Ransom of Rusty Rex. Un peu long pour ce qu'il est, j'ai trouvé. Un peu long. C'est vrai, mais c'est drôle. Ah, le twist, on va dire. Avec du coup John Landis qui fait non, non, mais pas besoin, gardez-le, il est bien. Qui je trouvais bien, bien, bien, bien fun. Après, tu sais, c'est pas non plus. C'est pas. Donc, je trouve vraiment juste un peu long, en fait, pour ce qu'il est. C'est-à-dire que je le regarde, je me dis bon, il est sympa, mais voilà, je l'ai vu, ça me suffit. Et toi, du coup, Ransom of Rusty Rex? Ouais, bah, Ransom of Rusty Rex, oui, ça vole pas super haut, mais c'est drôle. Oui, C'est drôle. voilà, c'est sympathique. C'est fun. Et Bad Seed, le tout dernier? Avec les citrouilles. Ouais. Bad Seed. Bad Seed. Une citrouille tueuse. Mais après, passer son concept. Ah, C'est Neil Marshall, c'est généreux. c'est généreux, mais juste le fait de la citrouille, de voir la citrouille tueuse, et je trouve ça charmé, quoi. Moi, j'ai C'est. juste noté Citrouille tueuse plus Neil Marshall égale chef-d'œuvre. On va dire, c'est loin d'être le meilleur. Mais le concept est tellement barré, mais en même temps tellement bien fait, que tu ne peux que être séduit. Et il y a Greg McLean en acteur. Greg McLean, réalisateur de Wolf Creek. Oh, 1, 2, de Belko Experiment, de Jungle, etc. ah, Et qui joue le premier à se faire tuer. Qui joue du d'accord, coup ok. celui qui va cramer, qui va creuser la Carl, citrouille. ouais, Carl. Et qui va se faire tuer. Et voilà, je l'ai vu, je me suis dit, I've seen this one. Je le connais. Ouais, ça, j'ai fait mon DiCaprio. Mais voilà, Tales of Halloween. Parfait film de deuxième partie de soirée. Assez gore quand même, voire Ouais. même très gore par moment, mais en même temps ultra fun. C'est-à-dire que pour le coup, il ressemble un peu à Trick or Treat, même si la structure est pas la même. Il est beaucoup plus gore. Et j'avoue que s'il est pas au niveau de Trick or Treat, clairement pas, je le trouve plus fun dans le sens où il est plus taré en fait. Ouais, et puis surtout, enfin, du coup, j'ai vu pas mal de films pour faire ce podcast, dont Elolodiv 2. Ah oui, celui-là on n'avait pas parlé du coup, très rapidement, non, Non, justement. juste le fil rouge tient pas, les segments sont très Et anecdotiques. surtout les segments sont très étranges parce qu'au moment où on se dit ah là ça devient intéressant, il y a un truc qui s'enclenche, bah, le segment se termine. Donc non, Hololive 2, ça m'est sorti de la tête. Non, Ouais. vraiment c'est pas horrible, mais c'est tellement oubliable et tellement. Ouais, voilà. Puis surtout, ils sont comparables dans le côté film à sketch d'une heure trente avec vraiment beaucoup de segments. C'est-à-dire que Tales of Halloween en a 11, Elusive 2 en a 9, Et c'est mais. 8 de trop, quoi. C'est ça, mais Tales of Halloween le fait tellement mieux. Et surtout, Hololive 2, il y a un segment de monstre sous le lit, ce qui est interdit depuis 10 ans, quoi. C'est pas plus loin de faire ça. Mais Tales of Halloween, vraiment, donnez-lui une chance. C'est pas un chef-d'œuvre, mais un petit bonbon. Je sais que pendant un temps, il a été sur Netflix. Parce que Ouais, je. aujourd'hui, il est pas dispo en France, il me semble, à nouveau. Non, je crois Bref, quelque chose à rajouter sur Tales of Halloween ou on peut passer au tout dernier pas. film? On passe au dernier film. Alors, on va passer au dernier film. Donc, le dernier film, c'est mon petit coup de cœur, mon petit bébé. Donc, Hellfest, sorti en 2018, réalisé par Grégory Plotkin. Tu places où sur l'échelle du. Ah oui, parce que. On va continuer l'échelle du citrouille bonbon. Citrouille bonbon. Alors, Tales of Halloween en citrouille et bonbon. Alors, si on met Trick or Treat à 10, et qu'on résume, où est-ce que tu mets H20? Parce que H20, pour moi, c'est 2 ou 3, hein. Il est assez faiblard, en Ouais, il n'y a gros. pas grand-chose d'Halloween, à part Michael Myers, c'est le fait que ça se passe à Halloween. Ouais, plus un ou deux, du coup. Oui, il y a tout le côté des données qui veulent faire une fête d'Halloween, justement. Ouais, donc, ouais. Ouais, mais s'il le disait pas. C'est ça, Pour moi, ça dépasse pas la moyenne. Pour moi, c'est 2 ou 3 citrouilles bonbons. Et moi, si je suis généreux, c'est un 4. Mais On est plus proche du bonbon que de la citrouille. C'est ça. Monster House, 6. 6. 6 sur l'échelle du citrouille bonbon. Et du coup, si... donc, le tricotré, t'es à 10. Le tricotré, absolument. Hololosive 1, je te mets à 6. Tu vois, c'est. Il y a des mentions d'Halloween. Ouais, 6 voire 5. Hein. Enfin, je veux dire. Tandis que le fil rouge se passe à Halloween, Ouais. mais les sketchs en tant que tels. Terrifier se passe à Halloween. Le premier se passe. Enfin, le sketch Terrifier se passe à Halloween. Ouais, mais c'est un sketch sur trois, je veux dire l'alien, Ouais. non. L'alien, j'ai envie de l'oublier. Ouais, le deuxième cercle aussi, ça c'est. Ouais. Ça. Après, Terrifier 2, vu qu'on a fait un gros focus dessus, lui c'est 9, hein, pour moi c'est le même niveau, voire 10. Hein. Mais Trick or Treat était intouchable. Après, donc, on a Tales of Fallen. Tales of Fallen, je vais pas te mentir, c'est 9. Ah Parce que ouais? tout est tellement centré autour d'Halloween, t'as pas un plan où t'as pas une citrouille, quoi. C'est C'est... vrai. Mais je trouve ça, pour le coup, il porte bien son nom, quoi. Tales of Halloween, bah oui, t'as des Tales qui se passent à Halloween. Putain, comment c'est bien? Si ça s'appelait Et pour moi, genre Radiator of Pack. ah bah là ça aurait été chiant quand même. Là ça aurait Ouais. fait mal foutu. Et après, Quand ce F. sera Pack, on parlera des rongeurs de l'apocalypse. Non. Non, là je vais pas prendre Killer Bunny, hein, parce que les films d'horreur de Pâques, t'en as pas beaucoup. Et... Bunnyman. Ouais, les Bunnyman, tu vois, Bunnyman Massacre, tu vois. Cherchez les affiches de la saga Bunnyman, Il y a c'est. Bloody Easter, je crois, un truc comme ça aussi. Bunnyman, c'est simple, y a pas un film qui est bon, y a pas une affiche qui est belle. Hein, c'est... Au moins t'as des meurtres un peu gore. Bref, et Hellfest, pour moi c'est un film un peu hors catégorie. Alors faut savoir, c'est un film que j'ai découvert, j'entendais rien, et je n'étais pas déçu. Je n'ai pas fait de doui. Donc réalisé par Gregory Plotkin. Alors Gregory Plotkin, à la base, c'était un monteur. Alors il a monté Happy Birthday 1 et 2, ça c'est cool. Il a monté Happy Paranormal Activity 3. Qui est le deuxième meilleur après The Marked Ones. Je déteste Paranormal Activity. The Marked Ones, j'aime bien, mais j'avoue que Paranormal Activity, sur ce genre, je reste ultra froid. D'ailleurs, il y a un coffret collector Fnac qui va sortir Je vais vomir. bientôt. Il y a Next of Kin dedans ou Il pas? y a Next of Kin, ouais. Ok, bah celui-là ça va aussi. Il triche complètement avec le principe, mais ça Je va. l'ai pas encore vu. Après, t'as il a monté Paranormal Activity 4, qui est nul. Qui est nul. Il a réalisé le 5, Qui qui est est nul nul. aussi. Ça. Ah bah dans la saga globalement, il y a des stockings mais que j'ai pas vu, mais il y a le 3 qui a quand Non. même quelques petites trouvailles, genre la caméra sur le ventilateur par exemple. Ouais, mais tu vois, même The Marked One, je l'aime bien, mais ça reste. Enfin, je sais qu'on t'aime bien aussi, mais je trouve que ça reste pas non plus. C'est pas la folie, quoi. C'est pas extraordinaire, Mais mais ça se regarde bien, ça oui, se ça regarde tient bien. Et après, il y a Tokyo Night. Non! Non. Il n'y a pas Tokyo Night, non, non. Après, donc, au casting, alors, on a Bex Tyler Close. Alors, elle a joué dans la série Scream. Enfin, elle, il. Pardon, je crois qu'elle a joué. Bref. Ah, je sais pas du Cette tout. personne a joué dans la série Scream. Oui, qui est le rôle de Audrey. Ouais, qui d'ailleurs est à l'origine d'un truc de la série qui m'a fait quand même lever un sourcil. Hein, c'est genre, tu es suspecte. Pourquoi? Tu es lesbienne. Parce que tu es lesbienne. Et tu vois ce qu'il fait? Hein, t'es sûr de ce que tu dis là, voilà. Après, c'est tu es suspecte. Enfin, tu es Oui, suspecte parce que tu te fais harceler parce que tu es lesbienne. Oui, mais ça Voilà. reste un raccourci qui est un peu genre. Oui. Ensuite, on a Amy Forsyth qui a joué dans Channel Zero, que c'est une série que j'aime beaucoup. Que je dois voir. Et on a également une petite apparition de Tony Todd, Oui! l'unique Candyman. Qui joue Ensuite. aussi dans Eden Formula. Non. Moi, Non. Ouais, tu sais que je l'ai vu ce truc, hein. Toute la saga Raptor, ça, je l'ai vu à Carnosaur. j'ai vu qu'il y a 2 ans 1. Ensuite, au J'ai le 3 en scénar, DVD. on a 5 mecs. Ce qui est toujours bon signe. Et Non? parmi ces 5 mecs, on a donc la scénariste de Malignante, Akilah Cooper. Ok. À Malignant, on aime bien le film. Après, c'est pas le scénario qui va sauver. Voilà. Voilà. On Beaucoup a. le voient comme un nanar. C'est pas un nanar. Je trouve que c'est trop bien fait pour que ce soit un nanar. Après, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Pas sûr. Après, il y a des répliques genre It's time to cut that cancer off. Ouais, donc tu vois, tu fais ouais, bon, écoute, ouais, bref. Ensuite, tu vois, c'est plus une bisserie des années 80, mais le problème, c'est que c'est sorti en 2020. Tu vois, c'est Ça. ça. 2021? Ensuite, ouais, ensuite, on a la scénariste de The Invitation et Polaroid. J'ai pas vu les deux, J'ai vu mais. Polaroid. Il me semble que c'est une grosse Faut merde. pas Hein. le voir. The Invitation, le bal de l'enfer, le bal de Ah, l'enfer. le bal de l'enfer, oui. Parce qu'il y a d'autres films qui avaient une invitation. Le bal de l'enfer, ça passe fouilleux. Ça passe fouilleux. Ouais, au global, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Donc, En fait, Blake le est. méchant, c'est un beau gosse, mais c'est Dracula. C'est vrai? C'est vraiment Dracula. Non. Si. Putain, je l'ai pas vu, j'avoue que je l'ai raté. En fait, l'affiche avait l'air tellement médiocre que j'étais en mode bon, je vais pas y aller. Et on a le scénariste, pardon, de Leatherface. Leatherface, Massacre à la tronçonneuse 3 ou Leatherface, Leatherface Monsieur Monsieur Emery. Emery, ok. Qui. C'est pas le C'est pire. pas le pire. Le meilleur. Mais c'est Bah. pas le pire! À la photo, on a José David Montero qui a fait la photo de Apollo 18. Que j'ai pas vu. Pas ouf, hein. Bah, tu sais, en plus, j'ai vu les spectacles de Dedo. Et ouais. Il leur parle, genre, quand il parle de Paranormal Activity, il fait, mais après, on a des arzades, genre Apollo 18, Paranormal Activity, mais sur la Lune. Mais c'est ça. Et sur du quoi, Paranormal Activity au Congo. Après, Apollo 18, c'est pas le pire. Franchement, Apollo 18, il est. Ça va. T'as genre, dans la veine de fan footage, tu vois, c'est pas Blair Witch 2, pas Blair Witch le remake. C'est pas Blair Witch 1. C'est pas Blair Witch 1, c'est pas Rec 4. Tu peux pas apprendre tout à l'heure, j'ai envie de dire. C'est pas Paranormal Activity 2. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, à la musique, excellent. Ah, c'est vrai que c'est facile de foirer des fan footage. Ouais, c'est très facile. Mais c'est, par contre, quand c'est réussi. Rec. Nightshot. Rec. Nightshot. Chronicle. Je suis pas fan de Chronicle. Chronicle, je trouve ça un peu surcoté. Un peu ado. Et Jay. Ouais. OMG, he's so me. Et Diane. The Bay. Excellent. Incroyable. The Bay, incroyable. Ensuite, à la musique, on a Bear McCreary. On prend un épisode fan footage. Je prends Rec. Moi, je prends The Bay. Et Nightshot. J'ai pas les suites. Et là, vous assistez en direct à comment on prépare des épisodes. Hein. C'est vraiment un hashtag. Et peut-être Glitch. En vrai, bah écoute, on verra ce que ça donne. Parce que... Ensuite, ouais. Donc la musique, Bear McCreary, donc qui a composé quand même 10 Cloverfield Lane, Godzilla 2, qui est une grosse merde, mais la musique se défend. Colossal, aussi, de Nacho Vigalondo. Ah, que j'ai pas vu avec Anata Wen, qui est relié à une espèce qui de. Est super groupe. Qu'il faut que je vois. Des super films. Qu'il faut que je vois. Au production design, parce que c'est une qualité que je retiens du film, c'est le production design. On a Michael Perry, qui est le production designer de. Celui qui a fait It Follows. Ah, David Robert Mitchell. Ouais, qui fait It Follows, Under the Silver Lake, etc., etc. Ah ouais, c'est vrai. Donc le film a été fait avec un budget de 5,5 millions de dollars. Il y a David Robert Mitchell et il y a celui qui a fait How to Talk to Girls at Parties, qui s'appelle un truc genre... Machin Cameron Mitchell, un truc comme ça. Je connais pas, lui. Ensuite, donc le film devait à la base être fait par Neil Marshall, on se retrouve, et devait redevenir en fait à la base une grosse franchise. Puis ensuite, le film est passé dans les mains de Jennifer Lynch, qui a fait un film que j'aime beaucoup, mais pour les mêmes raisons. Ah, c'est Hiss. Hiss, voilà. Ouais. Qui est un film qui est pas ouf, mais que j'aime bien, mais pour de très mauvaises raisons. Qui a aussi fait, il me semble qu'elle a fait un détour mortel. Peut-être le 2 ou le 3. Peut-être. Si tu peux me fact-checker ça en vitesse. Et Jennifer Lynch a vérifié, mais il me semble que c'est la fille de David. Et également, le film a eu énormément de réécriture. Ça se ressent un petit peu. On verra. Ensuite, alors à savoir, sur donc, pour pitcher le film rapidement, c'est l'histoire d'un groupe d'ados qui vont aller au Hellfest. Le Hellfest, bah, elle joue la petite fille dans les Weatherhead, donc je pense que c'est la fille de David Lynch. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux du coup me vérifier quel détour mortel est-ce qu'elle a fait? Parce que ouais. Je suis quasiment sûr qu'elle a fait. Alors, elle a réalisé 4 épisodes de Dahmer. C'est une série pas ouf. Que j'ai pas vu. Bon, en tout cas, qui moralement pose des problèmes, en tout cas, parce que genre, ouais, c'est sympa de faire une série sur un tueur en série, les gars. Pourquoi vous avez pas consulté les familles des bah, victimes? Bah oui, c'est déjà, ouais. Ouais, ça met un peu mal à l'aise ce genre de truc. Ouais, c'est bon le truc. Ouais, elle a une sacrée filmographie, pas toujours représentative de qualité, mais putain, mais j'en vois pas de temps qu'elle. Ah oui, elle avait réalisé Boxing Helena aussi, qui était compliqué ça dans les années 90. Après, je peux me tromper, elle a peut-être pas fait des tours mortels. Hein. Bah, moi, j'en vois pas. Enfin, bref, visiblement, je m'étais trompé, elle n'a pas fait des tours mortels. En fait, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui va aller au Hellfest. Alors, le Hellfest, pas le festival de métal, mais ça se passait si on avait plus de films d'horreur en Bretagne à part Bruxelles et Rome. Ça aurait été très drôle. Mais elle va. Mais un festival tout centré autour de l'horreur, avec vraiment des. Tout autour du film d'horreur, simplement. C'est-à-dire qu'on a une zone avec des morts vivants, une zone avec des tueurs en série, une zone avec des fantômes, etc. Bref, tout un parc d'attractions centré autour de l'horreur, et ils vont se retrouver pris en chasse par un tueur en série. Donc, on se retrouve à nouveau face à un slasher purge. Alors, pour être honnête, j'avoue que je m'explique pas énormément mon amour ultime pour ce film, mais il faut savoir que je l'aime énormément. C'est-à-dire que j'adore son ambiance qui est ultra Halloween, dans le sens où c'est vraiment... Je sais pas, le parc d'attractions, je le trouve ultra cool. C'est pour ça que j'ai retenu le nom du production designer. Parce que vraiment, l'ambiance autour de ce film, c'est une ambiance que j'ai retrouvée que dans ce film. J'adore les films de parc d'attractions. Bon, The Fun House de Toby Hooper, je trouve ça vraiment bien. J'ai aussi vu Bloodfest, qui est un film d'horreur. C'est passé aussi dans un parc d'attractions sorti récemment, avec qui pour le coup qui est plus comique, mais que j'ai trouvé un peu foiré, notamment à cause de ses effets spéciaux. Bref, son festival d'horreur qui fait rêver. J'adore la musique du film que je trouve excellente. J'aime beaucoup l'héroïne que je trouve mine de rien assez touchante. Et c'est un film que je trouve vraiment cool, rempli de références au slasher des années 70-80, rien qu'avec le look du tueur, qui est certes pas incroyable, mais qui se défend quand même pour proposer un look qu'on va retenir. Ces lumières qui sont quasiment suspiriesques par moments, je pense, dans certaines attractions, avec vraiment des reflets bleus, rouges, etc. Son parc tout droit sorti bah, de la nuit des morts-vivants, comme j'ai dit, ou d'un vendredi 13. Après, je vais pas mentir, en tant que slasher pur, le film est un peu timide. C'est-à-dire que il y a genre 5 morts max, mais toutes les morts sont cool. Toutes les morts sont cool, sauf deux. Bon, il y a deux morts qui sont vraiment foirées, mais il y a quand même une mort avec un truc planté dans l'œil, il y a quand même une mort avec un mec qui se fait éclater avec un marteau. Bref, c'est vraiment assez impressionnant. Toutes les mortes sont vraiment pas au niveau. Genre, ben, toutes les morts, et toutes, non, pardon, tous les personnages sont vraiment pas au niveau. Genre, cette putain de musaraigne sous coke. Qui est le personnage de Bex Taylor, qui est mais horrible à voir. Et le script est quand même un peu faible pour un film de ce genre. C'est-à-dire que le film se défend vraiment par son ambiance et son barque. Mais je sens que le film est fait quand même avec de bonnes intentions, et je me laisse toucher par ça. Alors, comme je disais au final, ce film, c'est vraiment le petit bonbon de la sélection. C'est le film peut-être le plus anecdotique, mais que je vous invite vraiment à aller découvrir. C'est un film qui vous veut du bien. Qui est tout tranquille, qui a rien de vraiment incroyable à revendre, mais qui ne mérite, je trouve, clairement pas la vague de haine qui s'était mangée à sa sortie, et je pense qu'il est temps de le réévaluer. Du coup, Hellfest, oui, c'est un film que j'ai trouvé relativement sympa, je t'avoue. C'est pas non plus le couteau le plus affûté du tiroir en termes de film d'Halloween, mais il se défend bien. Tu passes pas un mauvais moment, les meurtres sont Il faut cool. savoir qu'à sa sortie, il s'est fait déboîter. Mais vraiment, 5,5 millions de dollars, je crois qu'il est rentré dans ses frais. Mais vraiment, il s'est fait chier dessus par tout le monde. C'était quasiment unanime. Ouais, c'est assez surprenant, parce qu'il y a quand même des films qui marchent beaucoup mieux et qui se font beaucoup moins chier dessus et qui pourtant sont des merdes infâmes. Annabelle, La Nonne, Non mais, Conjuring eux, ils se 3. font chier dessus. Mais j'aime bien Conjuring 3. Non, je trouve ça horrible. La Nonne, j'aime bien, mais parce que, tu sais, moi, dès que je vois un truc un peu gothique, je me dis, oh oui. Ouais, je sais pas, moi je l'ai vu défoncer en salle, La Nonne. Je l'ai vu en salle, avec une salle on fire qui applaudissait à tour de bras. Et, bah, en fait, j'aimais le cadre gothique. Mais Ouais. à part ça, putain. Si la scène est miroir, écoute. Le miroir est chaud. Et c'est mon trou, écoute. Oui, mais tu vois, si tout le film était au niveau de sa scène d'intro. Ouais, c'est Scream sur la d'abord. Mais bref. Je te permets pas. Mais bref, Hellfest. Mais non, mais c'est cool. Moi, déjà, je commence le film, je vois Bex mes couilles là, je vais, oh putain, c'est la meuf de Scream. Moi, j'avoue que j'ai un énorme problème avec le film. C'est. Alors, spoiler, c'est qu'il y a deux personnages qui se font tuer. Mais à la suite, c'est avancé, hop là, deux coups de couteau, c'est terminé. Au milieu de la foule. Et dans un slasher, pour moi, ça, c'est pas acceptable. Pour moi, le slasher. Le meurtre, c'est le climax. Le meurtre, c'est ce que tu attends et ce qui, entre guillemets, te récompense. Et là, pour le coup, je vois ça, je me dis, bah non. Faut pas faire ça. Faut pas. Et la scène de fin de Hellfest est horrible. Pas horrible. Glauque, dans le sens, genre mal scène. Ouais, avec le mec qui rentre chez lui. On dirait juste qu'il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Voilà. Mais tu vois, Hellfest, pour moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il s'est fait défoncer comme ça? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Peut-être que la culture un peu bise comme ça, un peu métal. Ouais, mais tu vois, il a vraiment. Je trouve que c'est un film honnête en fait. C'est un film qui. Tu vois que le mec est fan des références qu'il avait. Tu vois qu'il est fan de La Nuit des Morts-Vivants, il est fan de Vendredi 13, il est fan des slashers comme ça. Moi, je vois vraiment des références à Suspiria avec toutes les lumières qu'il y a dans les attractions. Dans une scène de fin que j'adore avec quand le tueur est au milieu de la pièce avec tous les masques blancs autour de lui. C'est une Ouais. scène que je trouve visuellement magnifique. Et là, c'est un film qui est passé complètement inaperçu. Mais qui pour moi mérite clairement une réhabilitation. Après Gregory Plotkin, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait un truc qui s'appelait Crimson, que j'avais vu, qui était vraiment pas terrible. Donc Ouais. voilà, il a eu un petit instant de magie avec Hellfest, comme ça. C'est vraiment un petit bonbon, mais qui vraiment vous veut du bien. Ouais, non, Hellfest, non, c'est sympathique, franchement, ça, franchement, ça paye pas de mine, hein, Bah, tu le connaissais avant que j'en parle ou pas? je le connaissais, je le voyais, bah, j'avais dit, mais je le voyais beaucoup dans dans des rayons Blu-ray à Cultura, genre 2HT 3 offert, enfin 2HT 3ème offert. Moi, je te garantis que si je le trouve en Blu-ray à Cultura, je le prends en plein pot s'il faut. Mais genre, vraiment, pour moi, il mérite plus que ce qui s'est montré. Ouais, non, mais c'était, non, c'était sympathique. Hellfest, c'était sympa. Voilà. Et donc, on approche déjà de la fin. Est-ce que, pour des films qui se passent à Halloween, comme ça, t'aurais éventuellement juste comme ça, en liste, un peu à dropper, comme ça juste Halloween de Carpenter. À part Halloween et Halloween de Rob Zombie, voilà, toute la saga. Est-ce que t'aurais des petits films comme ça à déballer, à sortir, ou alors Halloween des films 3. Que tu proposes à Halloween, des films que toi tu vois à Halloween. Alors en film que moi je vois à Halloween, alors l'année dernière avec ma copine on s'était fait Host, pas Host, Host on s'était fait ah Marc Host, ça pourrait être sympa d'avoir Halloween. Ouais le found footage. Le found footage. Non mais justement je comprends, il y a un autre found footage, on s'était fait Nightshot. Nightshot oui très excellent film. Ouais, c'est du coup, j'ai découvert les deux à peu près en même temps, genre à quelques jours d'écart donc c'est pour ça. Mais ouais c'est un jeu. Tiens, juste tant que j'y pense avant, il faut savoir, Tales of Halloween n'est pas du tout disponible en France. Il était sur Netflix à un moment, mais là il n'est plus. Il n'est plus, et Il y a un Blu-ray qui existe. Mais qui n'est pas, pas un Blu-ray français. Je sais pas s'il est... Il est pas français, je sais pas s'il est zoné, enfin s'il est désolé du coup. Oui. Il me semble qu'il n'est pas du tout, dispo. Et Hellfest, il est disponible en France. Ah, un Blu-ray français. DVD, Blu-ray, pour le coup, ça se trouve. Moi, un film que je propose à Halloween, j'avoue qu'il y a Peur Bleue de René Harlin. Ah, qui est un film de requin que j'aime vraiment beaucoup. Il y a La Main qui tue, que je trouve très très fun. Qui est sympa, je l'ai découvert dans le train pour aller à Cannes. qui est vraiment très drôle. Et là, c'est un peu ma carte ultime en termes de film que je propose pour Halloween. Fright Night. Ah mais oui, Vampire, vous avez dit Vampire. Et je rajoute Fright Night 2 de Tommy Wallace. Qui est très, alors, faut pas les faire à la suite. Parce que Fright Night, en fait, le problème de Fright Night, c'est qu'il est tellement énorme. Et si vous aimez les films d'horreur des années 80, à savoir avec des scènes de disco, des effets spéciaux prosthétiques un peu dégueux, mais dégueux dans le sens bien fait, pas dans le sens mal fait. Donc des effets spéciaux qui coulent un peu, avec des vampires qui prennent des voix et qui ont des pulls à col roulé. Voilà. Allez-y, franchement. Et Fright Night 2, en fait, le problème c'est que je les ai enchaînés moi, donc la première fois j'avais détesté Fright Night 2. Ah ouais? Ouais. Et en fait, c'est en le revoyant que je me suis dit, en fait non, Fright Night 2, bah ça va, quoi, il y a vraiment bien pire. Ouais. Genre les deux remakes, que j'ai pas vu, avec Colin Farrell, je crois, qui sont vraiment très. Et Anthony Hitchin. Ouais, vraiment les remakes, faut pas les voir. Et pas ça. Et autre film, dernier film pour le coup que je propose moi à Halloween, qui est un film qui est un peu moins connu, qui est même beaucoup moins connu, mais que j'aime vraiment beaucoup, c'est Pervers. De Jonathan Nudis. Est-ce que tu connais ce film? Pas du tout. Alors, c'est un film qui est ultra indé, qui est ultra fauché, mais qui a un homme qui va se retrouver confronté à une bite tueuse. Et c'est sa bite. Avec des scènes tournées en stop motion, avec un pénis qui a des bras extrêmement musclés. C'est une expérience, c'est un film hommage au film de Russ Meyer. Si on voit qui est Russ Meyer, ça pose le concept. Mais voilà, pour moi, c'est ça que je propose, c'est ça les films que je propose à Halloween généralement, c'est des films comme ça, un peu sale esprit, un peu sale ambiance, mais que j'aime bien pour partager avec des potes, et vraiment c'est une soirée qu'on peut se faire, et Trick or Treat, je repasse une couche dessus, mais allez-y, c'est une merveille. Voilà. Alors juste pour revenir sur Tales of Halloween, alors il est dispo aux US, mais zoné du coup. Alors attends, je dis ça tout de suite. Ouais, zoné. Zoné. Zoné US. Par contre, il est dispo en Grande-Bretagne. Du coup dispo en France. Dispo, donc tout ce qui sort en Europe, c'est disponible en France, donc il est dispo en Grande-Bretagne, il est dispo aussi en Allemagne, en Italie et en Espagne. Ouais, donc on peut facilement le trouver dans On peut facilement le trouver. Après, ce qui est fou, c'est que sur chaque édition, que ce soit Allemagne, Espagne ou Italie, à chaque fois, il n'a jamais de sous-titres anglais, il n'y a que des sous-titres soit italien, soit allemand, soit allemand, soit espagnol. Et même en Grande-Bretagne? Je vais le faire tout de suite. Apparemment, il n'a pas de sous-titres et j'ai pas accès à l'arrière de. Pas de sous-titres, pas de sous-titres, pas de sous-titres. Mais voilà, donc Tales of Halloween, essayez-vous de procurer. D'ailleurs, il y a un combo, le Blu-ray italien, il existe un combo avec aussi le film Holidays, qui est un film à sketch où chaque sketch est sur une fête, c'est-à-dire que t'as un sketch. Sur Halloween, un sketch sur Noël. Un sketch Saint-Valentin, Saint-Patrick. Ok. Voilà. Ma foi. Et toi, du coup, un film que tu veux proposer à Halloween, à part Nightshot ou Qu'est-ce que tu pourrais proposer? Ce que je pourrais proposer, eh ben, Halloween Butcher Panther. Oui, voilà. Halloween Rob Zombie, Halloween 3, toute la saga, bref. Voilà, bref, tout ce joyeux fourbi. Sinister, je propose Sinister. De Scott Derrickson? Oui, évidemment. Le meilleur film de Scott Derrickson. Black Phone étant pas loin derrière, mais tout ce qu'il y a après, c'est... Doctor Strange. Ouais, Doctor Strange, mais je trouve que c'est assez un peu en dessous. Et après, il a quand même fait du catoporn, hein, j'en avais parlé, mais genre l'exorcisme d'Emily Rose, c'est waouh, bon catoporn. Et Délivrance du Mal. Ouais, alors Délivrance du Mal, tout est dans le nom. Hein. C'est... Tu sais où tu mets les pieds en regardant. Et alors, je ne l'ai pas vu, mais son remake de Jour à Terre s'arrêta avec Keanu Reeves. Ouais, jamais vu, lui, jamais vu. Et on a aussi un film à proposer à Halloween, Deadstream. Deadstream, évidemment. Je te laisse raconter ce que c'est. Qui, lui, pour le coup, sera disponible le 31 octobre sur Shadows. C'est ça. Totalement visible en France, légalement sur Shadows. Donc Deadstream, ça raconte l'histoire d'un streamer un peu tombé en désuétude à cause de nombreuses polémiques aussi de Paris. Et toute référence à un streamer existant, blond, très connu. Logan Paul. Logan Paul. J'ai une crainte de tout, moi, depuis. Ah là là, c'est bizarre, hein, ouais. Ah là là, serait fortuite. Comment ça, filmer un vlog dans une forêt de suicide, c'est pas une bonne chose. Qui se retrouve en désuétude et qui du coup va essayer de conquérir son public, de des sponsors aussi. Et pour ça, il va passer une nuit dans une maison réputée hantée, en direct du coup sur Livid. Sur Livid, ouais. Livid pas le film de Boussy Mori. Livid le réseau social. Voilà la plateforme de live. C'est un peu le mixeur mais qui a fonctionné. Et du coup, il va se passer des choses, ça tourne mal. Voilà, il va être confronté à des phénomènes surnaturels. Et pour moi, c'est le film récemment qui a le mieux combiné flip, mais vrai flip, vraiment terrifiante. Et humour, mais vraiment humour drôle. Ultra drôle. Vraiment, c'est... Et ça se passe dans... Alors, à la base, j'aurais voulu changer potentiellement Tales of Halloween par celui-ci. J'aurais mal fait parce que Tales of Halloween c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est très sympa. Mais voilà, Deadstream, le problème c'est qu'il se passe pas vraiment Halloween, ouais. Il se passe dans la période d'Halloween. Oui, et puis surtout, y a rien qui évoque Halloween. Dans voilà. Mais vraiment, foncez voir Deadstream, c'est une petite merveille qui est vraiment un régal à voir. Et qui est fait par deux mecs qui ont bossé sur l'avant-dernier VHS. Jonathan et Vanessa Winters, je crois. Qui ont bossé sur le VHS qui va sortir le matin, je crois. Le 99 ou le 85. Je vais regarder. Ce que j'appelle le problème, c'est qu'ils ont fait deux VHS en back-to-back, donc VHS 99, VHS 85. Et on fact-check à l'instant, voilà, en direct, hein, c'est Joseph Winter, et c'était bien Vanessa Winter. Et donc ils ont bossé... 99, donc il vient de sortir. Ils ont bossé sur le VHS qui vient de sortir, donc le VHS 99, sorti sur Shudder et qui est déjà trouvable... Trouvable. Le segment s'appelle To Hell and Back. Excellente musique de Sabaton. T'es métalleux ou tu l'es pas. Voilà, bref, quelque chose encore à rajouter sur les films d'Halloween? Je pense que là, il y a déjà une belle fournée oui. Pour faire Halloween. Oui. Si on devait en recommander un, on est d'accord? Trick or Treat, évidemment. Et en revanche, si on devait en recommander un autre Trick or Treat, est-on banni? Lequel? Un autre de la sélection là, des 6? Ouais. Moi, Tales of Halloween. Tales of Halloween. Ouais. Parce qu'à nouveau, il y a du moins bon, mais à côté, typiquement, soirée parfaite, vous vous faites Trick or Treat pour démarrer, vers 18h, 19h. Trick or Treat, vous pouvez vous le faire avec des potes tranquilles, même des potes pas ultra réceptifs à l'horreur, parce que c'est tellement facile, et tellement passionnant. Ouais. Vraiment, vous pouvez y aller. Ensuite, Tales of Halloween, ça commencera à faire la sélection entre ceux qui résistent à des trucs un peu plus corsés et les autres. Et vous finissez sur Terrifier 2, et là vous faites vomir la moitié de la salle. Et là vous êtes sûr de faire une soirée mémorable. En tout cas, est-ce qu'on tease déjà? Qu'est-ce qu'on peut dire pour le thème de la semaine prochaine? Moi je serais tenté de dire. Paella. Subtil. Je me serais arrêté à Europe, mais bon. Paella. En tout cas, on vous invite à. Vous avez compris, c'est le Danemark. Quelque chose me dit que c'était pas la Suède, en tout cas. En tout cas, on vous invite à nous suivre sur les différents réseaux, à laisser des commentaires, des notes, etc. On est encore un podcast très jeune, donc comme voilà. Ça, jeune mais ambitieux. Bah, n'hésitez pas. Jeune et dynamique. Hein. Bah, jeune et dynamique. La voix chronique n'est jamais finie. C'est quoi déjà un défaut? Ouais, perfectionniste. Hein, ouais. T'as trop travaillé. T'as, en tout cas, n'hésitez pas à partager. Trop exigeant avec moi-même. N'hésitez pas à partager autour de vous, à juste reposter le podcast, en parler autour de vous. C'est comme ça qu'on peut grandir. Big up à nos potes qu'on connaît personnellement, mais qui ont partagé. Qui ont déjà partagé. Merci à vous, les gars. Voilà. On vous aime. Big up à. Donc, voilà, on fait big up à Ulysse, à Lucas, qui ont partagé. À Dino. À Dino. Big up à. Alors, j'ai pas ton prénom, je suis désolé, mais son Insta, Very Nasty Stories. Ouais, qui nous en a parlé. Merci, voilà. Merci à toi. Bref, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est comme ça que le podcast peut grandir. N'hésitez pas à interagir avec nous, on vous invite à nous suivre. Et en attendant, bah on se dit alors peut-être pas dans 2 semaines, parce que pour des raisons personnelles, peut-être que le prochain épisode sera. Il y aura un peu plus de délai. On reprendra le rythme de 2 semaines juste après, mais entre cet épisode-là et l'épisode suivant, il y aura peut-être un peu plus de temps. Enfin, on vous tiendra au courant de tout ça sur nos réseaux. Mais donc voilà, on vous dit merci de nous avoir suivis, et puis à la prochaine, et joyeux Halloween. Et joyeux Halloween. Ouais, à la prochaine.